your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. My glow, oh bless me Father, don't ask me why, you're right, you're right. Et d'où t'as mangé du chocolat? Du chocolat de barre protéinée. Comment c'est possible? Et ouais, je me suis fait pourrir mon manteau aussi avec des taches. Des connards dehors qui m'ont versé du ice tea sur le manteau. Des jeunes rebelles du 16e qui ont secoué une bouteille d'ice tea sur le maison de Guéguette. Je les ai insultés. Mais sans le faire exprès. Bah oui. Non, enfin, il était vénère. Je vous ai jamais vu Guéguette vénère. Le. Non, mais vous êtes sérieux là? Mais vous faites enculer. Guéguette en mode vénère. Et ça te fait quoi faire ça à des adolescents? Ah non, mais j'ai bien vu que c'était des plus faibles que moi, sinon j'aurais pas fait. Ouais, je veux bien. Ça aurait été Booba, il aurait dit vas-y, vas-y, prends mon blouson, marche dessus. Ça va l'équipe, vous allez bien? Julie, Pierre, Guéguette. Comment ça va, moi, Jérémy qui réalise l'émission? Il va très bien. Bérénice, tout au standard, les filles vont bien. 0870 42 48, préparez-vous. Tout à l'heure, dans quelques minutes, je. Pas de la folie. Oh, ça veut dire que le public, je vais pas les voir beaucoup. Bah non, alors mais tu vas revenir. J'ai un public de folie. Elles sont belles et c'est au moment où elles sont belles que je m'en vais. C'est con, ouais. Mais c'est pour t'obliger à revenir. Oh, ça fait chier. Tu reviens quand même. Mais oui, tu reviens. Excusez-moi, en fait, comme si j'écoutais. Attention. Ouais, mais des fois, quand il y en a des pas beaux, pourquoi je reste 3 heures. Et là, il y en a plein de jolis, je vais être obligé de partir. Ouais, c'est mal tombé. Oh, je vais être obligé. Bon, on va aller faire un tour à la Tour Eiffel. Oui. Pour retrouver David Guetta ce soir, on va se faire l'interview exclusive de David en live de là-bas. Alors, je ne vous raconte pas. Ah oui. Là, en ce moment, la Tour Eiffel, pour des raisons de sécurité, c'est. Je pense qu'il est plus facile de rentrer, montrer sa bite au président de la Corée du Nord et ressortir du pays que d'aller dire bonjour à la Tour Eiffel. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je vais donc en live et vous allez me suivre. Vous allez, on mettra des snaps, on sera peut-être même un petit Facebook Live. Ouais, grave, ça serait bien. Direct de là-bas, comme ça pendant l'émission, vous pourrez suivre en même temps sur Facebook Live, vous aurez tout ce qui se passe là-bas et la rencontre avec David. Toutes les barrières de sécu que tu vas devoir passer. Mon petit chemin. Là, je suis en train de recharger mon téléphone à bloc de chez à bloc parce que je n'ai que 22%. Ah, mais non. J'avais zappé moi aussi. Personne ne me le recharge. Ça va, t'as une demi-heure. N'y touche plus. Mais oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Enlève le Bluetooth, c'est tout là. Ça va être très dur pour toi, mais n'y touche plus. Mode avion. Mode économie d'énergie. D'accord, c'est bon ça, non? C'est bon. Allez, ça va aller. Si on accueillait nos invités, les premiers. Allez, je vous demande de faire beaucoup de bruit. Ce soir, ils seront à la Tour Eiffel et on se fait le début de l'émission avec qui on va se faire deux types. Voici Matt Cohn. Hey, welcome on board. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça fait longtemps. Oh là là, les gars, ça me fait plaisir de vous voir. I'm very happy to see you. I am also very happy to see you. You are very happy too. Bienvenue. Happy to see you. Merci beaucoup. Mais je suis très content, les gars. Je suis très, très content. Mais vous parlez bien français. Yeah, you guys speak French. No. It's just small words like merci beaucoup and merde. Ouais, mais il n'y avait pas d'accent. Merde. Oh, il y en a qui arrivent au milieu là. Il y en a qui sous la table. No, don't turn the camera because it's motor. Tu viens squatter la caméra. Attends, bouge pas. Say hello to everybody in France. I love you all. C'est du gros plan. Thank you very much for good food. And beautiful music. Putain, this is radio, not TV. And beautiful women. I love your women. I love your women. D'ailleurs, si je peux me permettre quelque chose, tout à l'heure, j'étais au téléphone là-haut, et Matt Cohn était tous les deux en bas. Il y a Bérénice qui a descendu les escaliers avec sa petite jupette verte, et les deux là. Ils ont reluqué à mort. Apparently, you noticed Bérénice who works with us. You see the bull of Bérénice? Yeah. Image. Ah, ça va, c'est que le régime fonctionne. Bérénice, je viens faire un bisou. Bah, viens lui dire bonjour. Pas de plus d'avant que ça. Allez, allez, on se fait pas Michto. This is Bérénice. En plus, c'est Michto Bérénice. En plus, c'est Michto Bérénice. Nice to meet you. En plus, c'est tout à fait son genre à Bérénice. It's a present, it's a gift. On a la gift. What do you mean? Ils peuvent l'emmener à la Tour Eiffel, hein, Sylvain. You can take her with you to the Eiffel Tower. Yeah, this is like how you French. Il est chaud. You can go with her in the car. No, it's a French tradition. It's a gift. No, French tradition. It's free. You go in the car and bam bam. Bam bang. Chloe is her pimp. So yeah. It's fine. Merry Christmas to you too. Joyeux Noël à toi aussi alors. Bérénice, ils vont t'expliquer ce que c'est que le bam bam. Ouais, non, mais je crois que j'ai une petite idée déjà. Non, tu ne sais pas encore tant que tu n'as pas testé. Bon, en tout cas, ils sont nos invités. On va se faire deux titres avec eux. Tout à l'heure, ils seront sous la Tour Eiffel. Vous allez kiffer ce moment, les gars, d'être à la Tour Eiffel. You guys, are you excited to be going to the ils annoncent 90 personnes, 1000 personnes. 90 000 personnes. Ouais. They're announcing 90,000 people. Today. Tonight, yes. Yeah. It's going to be a lot of fun. Bah oui, ça va être sympa. Les gars, on se fait lequel pour démarrer? Le nouveau. Allez, let's go. Are you ready to do the live? And, if you sing don't very worry. Good, then the Christmas bam, bam. Present. Then bam bam. Bam bam. Cadeau de Noël. Là, le mec, il va te faire une performance. C'est ça. Bam bam. Il va te faire des trucs de ouf. Ça va? Et c'est vrai que le public, il y a des jolies filles ce soir. C'est incroyable. Et je vais passer mon temps. Tu vas devoir partir. Et je vais passer mon temps sur le scooter, puis dans la voiture, puis au service de sécurité. Exactement. Et puis dans la loge de David Guetta. C'est-à-dire, autant vous dire, il y aura 90 000 personnes. Je ne verrai absolument rien parce que je vais être dans une loge. Exactement. Et je vais revenir. Voilà. C'est bon. Suivez-nous dans l'émission. Vous allez voir ce que c'est qu'une émission en live où on peut bouger à tout moment. D'accord? Mais c'est fort. Ouais, je sais. Bah, c'est ça. C'est de la radio, monsieur. Ouais, Matt Cohn, are you ready? Like this. Yeah. Oui. Like bam bam bam bam. Voici Matt Cohn sur Énergie. Yeah. No. I'm sorry. No bam bam. First, I drink, and then we eat, and I sing. First thing. Come on, we go. Yeah. Yeah. You know I've been around the world. And you know. Too hard to try. Too hot. Come on. We tell them. Nothing can beat the view of you putting that thing to work. I say what? Like a 9 to 5. Hey, come on. Hey. You got them sun-kissed thighs. Yeah. Girl, you hotter than July. If I act a fool. Said if I act a fool. It's because of you. Hey, come you on. You take me back inside. Hey. Feels like. like 1989. If I act a fool, said if I act a fool, it's because of you. How am I supposed to keep my cool? Hey, yeah. Ooh, ooh, ooh. Okay. Party over here. Put your hands in the air like this. Everybody put your hands like this. Yeah. And then we learn like this. Yeah. It goes way. And then way. And then way. And then way. And then way. And then way. I'm side to side. How am I supposed to keep it? Just way. Now, baby, don't you quit. Now, baby, don't you quit. Hey, hey, hey, hey, you got them sun kissed thighs. Girl, you hotter than July. If I act a fool, said if I act a fool, it's because of you. Hey, hey, come you on. Take me back in time. Hey. Feels like 1989. If I act a fool, cause if I act a fool, it's because of you. Hey. How am I supposed to keep my cool? Yeah. Try and get a vibe and keep it low key. I said, don't worry, them drinks is on me. But how to keep cool with this chick is so real. Damn, blowing off the meter. Repeat to yourself, keep calm when you meet her. They need to get drunk to talk, but with that juice that you throw, how am I supposed to keep my cool? Yeah. J'ai envie de dire bravo, c'était une tuerie. Ça, ça m'a mis de bonne humeur. J'étais un peu fatigué là de cette journée. Ça y est, je suis pas mieux, j'ai envie de courir à la Tour Eiffel tout nu là. Je vais y aller à pied. Wants to run to the Eiffel Tower naked. Thank you. Je sais, j'ai envie d'y aller. Ça me fait plaisir que vous soyez là en tout cas. Hein. We're really happy to have you guys here. No, likewise. Merci, we're happy to be here. Bah, ils sont contents d'être là aussi. Mais il est mortel le morceau. À chaque fois, c'est super happy. C'est franchement, c'est grosse patate à chaque fois. Full of energy. I like the remix with the bam bam. Ouais, ouais. It makes it better. C'est très bien encore mieux. C'est la Koi remix. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Julie là? Attends, on est entre nous. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ah les gars, attendez, juste un truc. Vous êtes venu souvent à Paris? Oui. You guys have, you've been to Paris a lot, right? Yeah. What? Quite a bit. Like, first time was in 2007. We had a song called Begging. Oui, la première fois, c'était avec Begging en 2007. Oui, ils étaient venus ici d'ailleurs. And then I can't remember the word, but they had like this description for us. Every time we came into the studio, oh, these guys, what's the word? Remember, it was a French, was it 14? Il y avait un mot, en fait, que tout le monde disait avant qu'ils allaient en studio, mais ils s'en souviennent pas. Like, explosion, boom. What's the word for explosion in French? Explosion? 14? What is 14? I can't remember. We had like a really cool name. Was it Le Phenomenon? So that's why you listen to me like I'm crazy. On est surnommé quelque chose en fait, mais ils se souviennent pas ce que c'est. Ah bah là, but we love the people here. Because, ouais, you mais know, en gros, ils adorent le public français. If you come to a country, sometimes it's just, you know, sometimes it feels like just business, you know? And then when you sing for people, they're like, yeah, okay, they sing, it's okay, but get off the stage. You know, but over here, it's always felt like genuine love. So ouais, we're very grateful. Ici, ils sentent vraiment que le public est authentique, tu vois, parce que des fois, tu chantes, t'as l'impression que les gens sont juste là, bon, ok, super, ils sont sur scène, mais pas ici. Donc voilà, ils apprécient. Les gars, est-ce que vous y connaissez en foot ou pas? Are you guys good in soccer or not at all? Giuseppe is. I used to play. Ouais, Giuseppe. Quand on dit euro, on dit ballon. Ouais. Écoutez-moi bien. Voici l'épreuve du ballon. On va gonfler des ballons. We're gonna blow some balloons. Je vais vous poser des questions. All right, I play football with balloons. Avec des ballons, tu vas jouer? Oui, mais laisse-moi finir. Je vais vous poser des questions traduites au fur et à mesure. He's gonna ask you questions. La réponse est en chiffres. The answer is numbers. Si vous répondez mal, il ne se passe rien. Si vous répondez bien, je pompe autant de fois que le chiffre de la réponse. Oh man, if you guys get the right answer with the number, he has to blow the balloon aussi, as many times as the number of the answer. Oh, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le ballon est sous le t-shirt d'une personne. Oh non. And the balloon is underneath somebody's shirt. Parce que c'est toi. Si, t'es bien. Okay. Et là, Jérémy est pas bien, hein, parce que Jérémy, je vous rappelle que Jérémy a une phobie des ballons. Jérémy doesn't like balloons. He has a little problem with balloons. Yeah? What? He's afraid of balloons. Are you afraid of balloons? C'est ce gars. Rock Pat Mountain. Okay. Les gars, c'est chelou comme phobie. Ouais, question, c'est... combien y a-t-il de joueurs dans une équipe de foot? How many players in a football team? Soccer team. Ah, ils savent ça. On the pitch? Oui. On the field? Yeah. Non, non. Sans les remplaçants. Avec les remplaçants. With the replacement. The total number of players 16. In a team. 16. Ouais, c'est ça. On va dire oui. Mais non, jamais de la vie. Il y a pas 16 joueurs. Avec les remplaçants. Ça marche pas cette merde là. Ah, excusez-moi, I'm sorry, it's a French matériel. It's de la merde. French equipment. C'est de la merde. Un, look, that looks very French. 3, mais le plus 4. So let's do it 16 times. 6, j'aime pas ça. Non, mais il y a un merde, ça merdouille, si, excusez-moi. Si, ça mais gonfle, non, ça gonfle pas assez. I try, just it's an experience. It's no problem. I think it's 27. Ballon neuf, 27. Il a dit c'est 27, tout compte fait. Comment ? Serbien. Ouais, Serbien. J'ai tiré ta bite, toi, tu vois. Il va te la gonfler aussi. Gonfler, moi, tu vois. Vas-y, one second, faut try, vite, vite. Bam, bam. Ouais, bam, bam, ouais. T'en es à combien? T'en es à 3, 4, 5. Il a dit 16! 16! Regarde Jérémy! T'as pas une question suivante? Jérémy, il va bien. T'as pas d'autres questions? Non! Il va aller les 15 euros. You killed the nipple! Est-ce qu'il fait les étons là? Ah, ça va monter. Ouch! Comment? Ils ont peut-être envie d'essayer, hein? You guys wanna try? He can do it. It's fine. Okay, allez, vas-y. Allez. You play with your friends. Yes, sir. The question il is. Il aura peut-être la bonne réponse du coup. Alors la question. Oh, c'est facile. Combien y a-t-il d'équipes pour l'Euro? How many teams playing the Euro? Ah, il le sait peut-être. Ah. Okay, so they play for. He asked that question. You don't know that. It's like okay, so let's say there's like four or five matches a day. Time that by 14. I'll say about. 38. Exactly. 38. Yeah, yeah. 38. Alors vas-y, compris. C'est parti. What's compris? Bam, il a l'air serein. Ça a l'air d'aller, hein. Ça gonfle. En fait, c'est flippant ce truc, parce que tu le sens gonfler. En fait, les questions servent à rien. Norris, maintenant. Oh, mais. Ça fait mal ou ça? Apparemment, ça fait mal aux tétons. It looks so nasty. Ouais, mais vous savez quoi? Pêche d'enfer pour la soirée. Yeah, at least you'll be in shape for tonight. Dans un instant, sur un titre là en live. Ça va être énorme. On a Cécile qui voulait vous faire un bisou. Cécile, at the phone. Cécile? Oui, on the phone. Oh, Cécile, vas-y ma chérie, je te présente Madcon, à toi ma belle. Oui, bonjour, ça va? Bonjour, et toi? Bonjour Cécile. En pleine forme hein, ce soir. Au taquet là. She says you guys seem to be in good shape tonight. In good shape tonight. We are. Thank you, merci beaucoup. Voilà, merci. Was that a question or statement? Non. Il est en panique. Fais Jérémy, il est chaud. Question. Alors, je voulais savoir s'il s'attendait à un tel succès avec sa chanson Don't Worry. Did you expect such a success with the song? Non, mais attends, elle vient d'accoucher, arrête. Non, arrête, pas elle. What is it? C'est moi qui l'ai fait. Ouais, vas-y, t'as pété. Well, ask the question, did you expect? Quelle était la question? Did you guys expect the song to be so successful? Which song? This Don't Worry? No, yes. Don't Worry. You know, it's very arrogant to expect anything. Oui, c'est un peu arrogant de dire qu'il s'y attendait en même temps. But you have hope because we've been working in the music industry for a long time. So sometimes you get good instincts, and we had good instincts with this. En tout cas, ils avaient une intuition avec cette chanson, et après, t'as toujours l'espoir, surtout quand tu travailles dans le milieu de la musique depuis longtemps. Bah, t'espères que ça va marcher. Voilà, ma chérie. Génial. Te fais un gros bisou. T'habitais où, Cécile? On ne sait même pas. Annecy. Je t'embrasse, ma belle. Gros bisous. Moi gros aussi, bisous, gros, gros, gros bisous. Ciao, ciao. Et les gars, parce qu'ils s'en vont après. Eh oui. Oh, oui. Putain, on n'a pas le temps ils de jouer. Ils sont Mais moi aussi, il faut que j'aille après la Tour Eiffel. One more question. Alors, encore une question, ils veulent. Ok, courte, très courte. Sam, courte la question. Oui, salut, c'est pour savoir juste, en fait, vu qu'ils sont de tout, c'est pour savoir, est-ce que si ça arrive souvent, entre deux, ils s'engagent ou pas? Quoi? J'ai rien compris. C'est pour savoir, en fait, est-ce que ça arrive entre eux qu'il y a des disputes? Ben mec, on dit qu'on n'a pas de temps, tu dégages. Tu fais exprès, sans déconner, c'est comme si je disais, il faut aller faire des courses, faire un marathon, bah non, tu mettais la jambe. You get into arguments. Yeah, I mean, we always get into like small arguments, not the big ones. So des petites disputes, like, pas des grosses disputes. We bicker. Voilà, oui, des petites disputes, rien de très grave, ça leur arrive. Bon, voilà. Des disputes, d'accord, merci. Bisous, mon poteau, à bientôt, Sam. Gros bisous. Au revoir, gros bisous. Les gars. You ready? Don't worry. Let's go. Là, le public, là, il y a des filles, jolies. Là, c'est pas genre, on se remet les seins, on se tire sur la jupe. Là, je veux le feu. Hein. Là, je veux le bordel là-dessus. Hein. Cette chanson, c'est un vrai kiff. Ready, guys? Yeah. And don't forget tonight. Mais branche pas ton téléphone, toi. Bam, bam. Et je snap comment? Bah, branché. Ah, ouais. Bah, branché. Si je veux aller avec eux, je peux pas snapper branché. Faut bien que je débranche. Ready? Forget about the past. Yeah. You keep all of your secrets. I swear that I won't ask. You know, look over your trouble. I don't care where you've been. Nah. The only thing that matters now is where the night will end. Them bright big lights are shining on us. Know. That beat is so tight, it makes you wanna come on. Get up and get down like there's no tomorrow. Nah. Like there's and no tomorrow. And if you know tomorrow. The song, sing it with us now. Like there's no tomorrow. Come on, we go. Record spinning, the music never stops. Come on, you wanna live forever. So proud. And reach about the stars. Yeah, yeah. Let's take it to the next level and light the spaceship up. Them bright big lights are shining on you us. Know. That beat is so tight, it makes you wanna come on. Get up and get down like there's no tomorrow. Nah. Like there's no tomorrow. Nah. Like there's no tomorrow. Come on, we say. Nobody think about what you got. Everything's ours. When the dip get a new spot, yeah. Don't worry. Night never ends. No hurry. Shorty look thick, so the lines get blurry. Come and the nights say your paw, so we might get dirty. Yeah. DJ, let the beat play. Make a heat wave when you replay this. True. Tonight we gon' party like a DJ. Younger free saying it's the one on my three. Catch the moon is the light. Yes. Sky is the ceiling. Come on. So is the bass and the high is the feeling. Yes. World is a club, rolling, cause we can. Come it's fun for the books. Don't worry about a thing. Hey.

Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total dû 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. Est-ce que tu es loin? Non, tu viens de partir. Évidemment, je suis loin, Julie. Arrête de dire des conneries. Je viens de partir il y a 3 secondes. Mais si tu peux me dire des conneries comme ça toute la soirée, mais t'as pas une fusée. Je vais travailler à feu direct. Hein. Il y a un moment donné, je vais pas supporter ça longtemps. T'as plus d'humour ou quoi? Je viens de partir à l'instant. Mais j'essaie. Je plaisante. Oh, c'est une blague. Bon, c'est pas grave, c'est pas là le. Elles sont pourries tes blagues, t'es pas prêt de l'avoir pour une émission. Mais ça, tu sais que c'est pourri mes blagues. Bon alors. Bon, les amis, ça roule mal. J'ai mal au crâne parce que j'ai Jeff qui m'a donné son casque qui doit être un truc d'enfant. Je sais même pas comment sa tête rentre là-dedans tellement ça m'écrase la tête. Petit zizi, petit tête. Hein. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi Jeff il a les joues qui ressortent, il a les joues écrasées, on dirait un motard de police nationale. Ça m'étonne. C'est René Latour. Putain, mais j'ai. Allez, je vis l'enfer là, je vous cache pas, je vis l'enfer avec ce truc. Oh! Mais on va te perdre, en circulation. Ça y est, t'es arrivé? Bon alors, je vous explique. Je vous explique. Nous allons partir et vous allez suivre toute cette émission. Et en temps réel, je vais vous expliquer comment je pars du studio et comment j'arrive jusqu'à la Tour Eiffel où ils attendent 90 000 personnes et comment je vais retrouver David Guetta en live. Tout ce que vous allez entendre à partir de maintenant, c'est du live. La question, c'est est-ce que tu vas y arriver? C'est... Comment? La question, c'est est-ce que tu vas y arriver? Julie. Elle cherche. Hashtag ferme la Julie, j'ai envie de dire. J'ai envie de rester un truc comme ça, j'ai envie qu'on mette ça en TT, s'il vous plaît. Non, mais Voilà, je vais. Mais ça roule très très mal. Hein. C'est l'enfer. De toute façon, Paris depuis quelques jours. Bon, hein, entre les grèves des transports, les grèves des machins, les grèves des éboueurs. Il y a les poubelles maintenant. Ouais. Ah oui. Ah, bah, hein. Attendez, oh. Et on sait recevoir. Nous, hein. Attendez, on demande aux mecs de bosser. Bienvenue en France quand même. Branleurs et compagnie quand même. Donc maintenant c'est le bordel partout. Donc ça roule mal et tout. On dit merci la CGT. Voilà. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arriver d'un je ne sais pas quand. Là, il faut que je remonte sur les Champs-Élysées. Je redescends de l'autre côté parce que évidemment que c'est complètement bouché du côté de la Tour Eiffel. Mmh. Et à partir de là, il faut que je prenne une voiture parce qu'il n'y a que 4 voitures ou 3 voitures qui sont autorisées à rentrer sur le, ouais, sur le truc. Sur le site. Ah ouais. Voilà. Et à côté de moi, j'ai une magnifique voiture électrique, les voitures libres, comment ça s'appelle ? Les autolibres. Ouais. Les autolibres, eh bien, c'est assez dégueulasse. C'est-à-dire que c'est la voiture la plus moche que je connaisse. Oh non, il y a la multiple. Ah, arrêtez vos conneries. Ouais. La dame, elle est au volant, elle me dit qu'elle confirme. C'est moche, hein. Ah non, mais monsieur Bolloré, si vous m'écoutez, arrêtez de faire de la télé, redessinez vos voitures, hein, parce que là, il y a quelque chose à faire. Hein. Parce que franchement, elles sont. Ça va, c'est pas sale dedans, madame ? Si, dégueulasse. En plus, c'était monsieur Bolloré. Passez l'aspirateur en même temps. Faites pas que de dessiner des bagnoles, passez l'aspirateur. C'est bien beau de faire de la merde sur Canal, il y a un moment donné. Il faut. T'es en forme ce soir, dis donc. Ouais, je suis en pleine forme, faut pas me péter les couilles. Hein. Je vous préviens, ça me fait autant plaisir de prendre le scooter et de prendre une voiture que de m'arracher un testicule et de le mettre dans un faux micro-ondes. Donc, à un moment donné, j'aurais préféré rester avec vous dans le studio, mais bon, je vais traverser tout Paris. Tu vas voir David Guetta. Tu sais quoi, en plus, il y a un bus. Mais je suis content d'aller voir mon David, c'est pas le problème. C'est tout le parcours qu'il faut faire. Ouais, mais attends, tu sais pas quoi, c'est qu'on est, les amis, à 1 km à vol d'oiseau de la Tour Eiffel. Ouais, je vais m'en taper 6 pour faire le tour. C'est con, et en plus, il y a un bus d'infirmières nymphomanes bonasses qui viennent d'arriver. Ouais. Ah oui, c'est con, top. Hein. Elles t'attendaient. Ouais, et elles du coup, il faut qu'elles repartent à 21h. Je vais me suicider. On va le perdre. Tu veux qu'on te mette un peu de Charlie Black? Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a une connasse qui a sorti sa clope pour la se mettre à l'extérieur de sa tête, elle a oublié que j'avais ma jambe. Mais c'est pas grave. J'adore, on va kiffer toutes tes tanasses là. Et je peux plus tenir avec le casque de Jeff, je suis désolé, mais je vais devoir à un moment donné. Vous n'allez plus m'entendre parce que il m'écrase la tête, mais un truc que j'ai jamais vu. Non. Je le sais que j'ai la grosse tête, bon, c'est pas nouveau. ce phénomène n'est pas récent. Mais quand même, je pensais pas qu'il l'avait si petite. Écoutez, alors ce qu'on se dit, c'est que en direct live avec Loris qui me colle un petit peu bizarrement, t'es chaud toi. Hein. Ah bah oui, les assistants les plus chauds de ta région, il est derrière moi. C'est ce que j'allais dire. Donc mes amis, tout ça pour vous dire que l'événement, suivez-le en live sur Énergie, je pars de maintenant et je serai, je crois qu'on peut dire ça quand même, parce que ça c'est vrai, je vais être l'un des seuls à pouvoir rentrer dans les coulisses de cet événement qui aujourd'hui, je crois, est le plus sécurisé de France. Je pense, ouais. En tout cas, on l'espère. C'est vrai, hein. Ouais, c'est clair. Non mais bien sûr, c'est le plus sécurisé de France, je rigole pas avec ça. Bah, c'est pas mal. Heureusement. Je vous dis, je pense qu'il est plus facile d'aller rentrer faire une bite qui fume chez François Hollande que là où je vais aller. Bah, c'est le moment là. On va envoyer Pietre. Oui, merde. Qu'est-ce que vous préférez ? Je vais voir David Guetta ou on va faire un zizi qui fume chez François ? Ouais, je pense que le zizi qui fume fera plus de vues. Ouais. Allez. C'est sympa pour David. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant ? On écoute Charlie Black. Bah, il a raison, le zizi qui fume de François Hollande, si, ça fait de la vue. Et en parlant de vue, Kev Adams, on en est où ? Ça arrive là. Mais on parle après. C'est bien les amis, c'est bien. Ouais. On est fait ce qu'on peut, on n'est pas des bœufs. Ça fait quand même 3 jours qu'on l'a tourné. Allez, reste avec nous pour la suite. Shot 4 after 9 minutes. it, she come back for more. She take off the shoes and brand it on floor. Then she start to broke out like a sword. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure. Girl, I owe me a door, so fine up on my body, girl. Toujours pour la Tour Eiffel. Donc avec sa bonne humeur sur le scooter et un casque trop petit qui le rend dingue. Il est 19h40, on va voir s'il arrive à l'heure ou pas. Hein. Il est censé arriver à quelle heure? Il doit nous écouter là sur le scooter, il doit se dire mais putain, il me vénère. Je vais pas. Bon, il est surtout que c'est très mauvais. Ah ouais, ça va, on fait ce qu'on peut. Hein. N'en est pas des bœufs, c'est très mauvais. Ouais. C'est toi le meilleur, on le sait très bien. Oui, c'est pas faux. Bon, alors Laurie, c'est en train de faire un Facebook Live, mes poulets. Hein. Je vous le dis au passage. Alors, elle te suit sur Facebook, alors. Tiens-toi. Alors, il est en train de tenir une GoPro d'un côté, son téléphone de l'autre. Faites la pas d'accident, là, les gars. Hein. Ah bah, c'est surtout qu'il va perdre son téléphone d'un moment à l'autre, vous verrez bien. Ah, je vous vois. Donc, mes amis, il faut qu'on aille maintenant. Putain, c'est une tanne, mais d'un autre monde. Il est chouette, ton casque. Putain, tu le relances. Non mais il est horrible ce casque, il est dégueulasse, je sais pas pourquoi il est. Ah ça a l'air de rouler là. Mais ça a l'air de rouler, vas-y tu... Non, là ça roule pas, on va monter bientôt sur les Champs-Elysées, mais c'est pas le rendez-vous encore. Hein. C'est-à-dire qu'ensuite il faut qu'on prenne une voiture. Ouais. Et ensuite nous allons à la Tour Eiffel. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore des gens qui vendent des petites Tours Eiffel sous la Tour Eiffel en ce moment? Ouais, non, je suis pas sûr, non. Ouais. Ça m'étonnerait que tu en trouves. Hein. Ça commence à quelle heure le concert? De David Guetta, c'est 22h50, je crois. Ouais, mais les autres, c'est 20h50. Ah oui, les autres, c'est 20h50, ouais. Oui, retransmis sur TF1. Où il y a Louane, d'accord. Kenji. Ce soir, en même temps, je suis dans l'œuf ou la poule, dis donc. Ah oui, c'est vrai? Ça a pas marché fort, alors. Non, c'est con, on parlait du One Man, on se marrait bien. L'émission est marrante, hein, c'est dommage. C'est vrai, c'est sur quoi D8, c'est dommage. Ça, hein. C'est dommage. Et en même temps, je m'en souviens plus, je l'ai tourné il y a 2 mois. Donc, alors, attendez, là, on est en train de passer. Oh là, il y a une voiture Schumacher. Et maintenant, comment? Tu veux pas qu'on se mette à. Bonne. Tu veux pas qu'on se mette. Doris Lillie, elle était bonne, je te jure. Vous savez que ce mec a changé. Moi, j'ai connu un petit Loris qui venait nous voir, qui était gentil, qui était content de voir des stars et tout, machin. Maintenant, il croise des nanas. Il fait, oh, elle est bonne. Ouais, c'est plus le même. Ils regardent surtout leurs copains. Ouais, c'est surtout ça, je pense. Ouais, il a regardé son copain en disant j'aime bien son petit boule. Ouais. Allez, qu'est-ce que vous voulez qu'on écoute? Le Hisson Cool ou pas, je sais pas si tu te souviens, avec l'auto-école Keep Cool. Ça avait fait partie de mes préférés, celui-là. C'est bon, c'est vous l'ayez choisi. Vous faites de moi le conducteur de scooter le plus heureux de cette soirée. Eh ben, on est ravis alors. Bon, on s'écoute tout de suite. Et Facebook Live, si vous voulez nous suivre en live. Ouais, on tue en même temps. Bonjour. Oui, allô, bonjour. C'est quoi, c'est Cool Drive? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Je vous appelle pour inscrire ma fille au permis là. Oui. Votre fille a quel âge? 18 ans. Ouais. 18 vous avez, ans, vous avez quoi comme voiture? Nous avons des C3. Oh, voiture de merde ça. Ah bon? Selon vous? Bah, C3, c'est pas. Bah, c'est plutôt pas mal pour l'apprentissage en tout cas. Personnellement, j'en ai bénéficié et. Ouais, ouais. C'était plutôt pas mal. Ouais, mais c'est pas très. Parler de la puissance ou parler de quoi? Le look, quoi. Enfin, c'était pas beau. Bah, un C3, après, vous avez déjà vu des jeunes qui disent achète-moi un C3. Bon, franchement, c'est. Bah oui, pourquoi? C'est quand on peut pas s'offrir une DS qu'on s'achète un C3. Enfin, mais après, chacun ses moyens, monsieur. Ça dépend, hein. Écoutez, moi, parce j'ai une 307 ouais. Et puis je m'en porte pas si mal. Hein. Ouais. Ouais, parce que, ouais, enfin bon, ouais. Ouais, dites-moi. Chacun ses histoires. Parce que moi, je vais lui offrir une Mercedes que j'ai promis pour son anniversaire et ses 19 ans. D'accord. Et je vous le dis entre nous, ça m'emmerde qu'elle apprenne sur une voiture pourrie, quoi. D'accord. Bah écoutez, personnellement, je n'ai pas autre chose à vous offrir. Est-ce que je peux être là pendant les leçons? Les leçons de conduite? Ouais, parce que je sais que les moniteurs d'auto-école, c'est quand même des gros connards de pervers. J'ai lu un truc la dernière fois dessus. Et ça drague, et ça drague, et ça drague. Et ma fille, normalement. Parce qu'il faudrait que vous soyez assuré. Faut voir avec le moniteur directement. Enfin, vous savez comme moi que je mets la main sur le levier de vitesse et une fois de temps en temps, tac, je mets la main, hein, bon. Bah après, je sais pas où vous avez vu ça, mais en tout cas, c'est pas chez nous. Donc après, écoutez, si vous voulez, partez directement à l'auto-école et vous verrez directement avec le moniteur. Vous n'allez pas me dire, chez moi, ils tripotent les genoux des filles, vous n'allez pas le dire. Ah bon? Non, non. Bah, écoutez, moi, j'ai passé mon permis ici, donc. Et alors, ils vous ont tripoté ou pas? Bah non, pas du tout. Bah, posez-vous des questions alors. Hein. Posez-vous des questions, parce que moi, ma fille, elle est jolie, alors peut-être que c'est pas votre cas. Oh, peut-être que je suis moche en crevé, mais bon, en tout cas, moi, ça n'est pas arrivé. En tout cas, ma fille. Je ne comprends pas plus mal. Et c'est toujours pas arrivé? Non, ça ne risque pas. C'est qu'il y a des raisons. Ben oui. Bon, et juste entre nous, parce que chez vous, on sait que les auto-écoles, c'est magouille et compagnie. Si je vous donne un billet, vous pouvez me passer le code ou pas? Non, pas du tout. Genre, les 20 heures de conduite, vous me mettez à 5? Non, du tout. Parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Hein. Dans une C3, 20 heures, ça va être très très long. Hein. Ah bah écoutez, appelez une autre auto-école, alors, si vraiment... Mais non, j'en ai déjà acheté, ils ont des Clio. Enfin, vous êtes cousses que des bagnoles de merde. Bah écoutez, sinon il y a des auto-écoles qui ont des DS, je crois. Bon, et le forfait 20 heures, c'est combien? Pardon? Le forfait 20 heures, c'est combien le permis? 940. Combien? 940. Eh ben, putain, vous ne mouchez pas du pied. Une belle bande de bronze, ce métier. Hein. Écoutez, monsieur, j'ai des doubles appels, donc ce que je peux faire, c'est que soit vous passez directement à l'école et on en parle en face à face, mais. Ah non, vous aviez dit que vous étiez très moche. Moi, je ne vous parle pas en face à face, on reste au téléphone. Ah bah écoutez, me parlez pas du tout, alors il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux vous dire un truc? Oui, dites-moi. Moi, je m'appelle Coé. D'accord. Et on est sur Énergie. Mais non, sérieusement. Et vous êtes vraiment très cool, vous pouvez l'applaudir. Cool. T'as été immonde. Ah, elle était géniale. Ouais. Elle était immonde. Oh mon Dieu. Non, mais c'est une blague ou quoi? Je suis en train de passer pour Coé. Oui, c'est moi. Ouais. C'est moi. Vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Patiente, hein. Parce que je sais que j'ai été un très gros con. Ah ouais. Vraiment. Ah, un gros connard même. Mais j'ai pas osé le dire. Ouais, vous pouvez. Vous pouvez. Il y en a des gens comme ça. Ça vous arrive d'avoir des gens comme ça? J'ai à la limite de raccrocher, mais je me suis dit non, on va rester calme. Est-ce que vous avez déjà eu des gens, comme disait Julie, que vous n'avez pas entendu, un peu comme ça? Non, franchement, c'est la première fois. Eh oui, je suis le pauvre. C'est la première fois de ma vie qu'on me pose ce genre de questions. C'est quoi votre petit prénom? Sophia. Eh ben Sophia, à Mantes-la-Jolie, chez Cool Drive, on vous applaudit, on vous fait un gros bisou. Merci beaucoup. Bisous Sophia, à bientôt. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. Change this fickle-minded heart that loves fake shiny things.

Bon bah voilà, on va en parler dans quelques instants. C'est passionnant ce sujet, hein. Bah ouais, mais on fait ce... Je m'en vais une seconde, je quitte cette émission qui est la première émission de France et vous me prenez un sujet de elle est passionnée géographie. Vous êtes sérieux? Si, ça concerne, des gens. Ah, non, bah, ouais. N'oubliez pas dans 10 minutes à prendre celui qui fait la collection des coquillages de couleurs. Mais de toute façon, ce soir, on pourra te proposer n'importe quoi, je pense que ça te fera pas plaisir, à part David Guetta. Mec, je voulais. On est là, on est dans un. On pourrait faire des trucs de dingue. On a une jolie femme qui est avec nous, alors que nous sommes 6 mecs. Je parle à qui je veux, Julie. Ne fais pas ta jalouse. Non, d'accord. Mais... Et juste, qu'est-ce que vous me sortez? Je suis accro au jeu à gratter. Bah oui. Bérénice, annule les coquillages pour après. Ah oui, merde. On avait des colliers de coquillages. On est dans la merde. Ceci dit, je serais curieux de savoir combien elle dépense par. Tu vois? Eh ben, elle nous le dira dans quelques instants. Surtout qu'elle nous le dira dans quelques instants après Amir. D'accord. Ok. C'est mon. Quand est-ce qu'on annonce? On peut dire nos invités de demain, Julie? De demain, oui, tu peux, oui, bien sûr. On peut dire qu'il y a Soprano qui sera notre invité demain. Et boum. Est-ce qu'on peut dire que le Toc Toc Toc Party avec Kev Adams va pas tarder à arriver? Oui. J'ai un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as. Pour essayer de faire du bruit. Ce soir, on est multifonction. C'est voilà. Vrai. On fait tout tout seul. C'est ça, exactement. Ah, voilà. Et on a Élodie qui attend, qui a un super sujet sur les jeux. Ah, Élodie, pour le sujet du siècle. C'est ça. Elle n'ose plus parler maintenant. Ouais, non, vas-y, raconte-moi. Élodie, c'est quoi ton problème de merde alors? Vas-y, on t'écoute. On t'écoute, vas-y. Alors. Non, en fait, pour vous expliquer les choses dans le bon ordre, j'ai changé de travail un peu plus de 8 mois. Et en fait, avec mes collègues, je travaille dans la restauration. Avec mes collègues, avec nos pourboires, au début, on a pris l'habitude de prendre des jeux à gratter. Ouais. Et le problème, c'est que, bon, que ça a duré pendant un certain temps comme ça. Et là, depuis janvier, j'ai gagné 500 euros à un jeu à gratter. Ah, c'est vachement bien. Ouais. Et on écoute quoi, Jérémy, maintenant? T'es con. Mais le problème, c'est que depuis ça, j'arrive pas à m'empêcher d'en acheter. C'est une horreur. Je fais que ça. Alors, c'est lesquels? Et genre, t'es addict à ça, quoi. C'était le cash. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi le cash? Ah, c'est 5 euros en plus. Parce qu'il y en a, ouais, il y en a qui coûtent une blinde maintenant. Les jeux à 5 euros, je fais les cash et les mots croisés à 5 euros. Et en plus, tu sais, celui où tu gagnes le plus, quoi. Tu peux gagner, tu gagnes facilement 20 euros, 30 euros. Tu connais ça, toi? Bah, parce que j'ai plein de potes, tous mes potes, genre, ils achètent ça, quoi. C'est hyper connu. Il y a une vieille légende qui dit qu'il faut toujours acheter les jeux qui sortent parce qu'ils gagnent plus que, les anciens. Ouais, enfin, faut pas acheter les jeux tout court, c'est une grosse arnaque. Ah, c'est pour lancer les trucs et puis les opérations. C'est vrai, ça ou pas, Elodie? Non, je sais pas. Mais après, moi, je fais que ceux-là, donc. En fait, t'as une chance sur combien de gagner à chaque fois? Tu dépenses plus que tu ne gagnes, comme dirait Coco. Le problème, c'est que au début, je gagnais des petites sommes, je mettais pas beaucoup, mais là, j'en suis à un point où je suis en train de m'endetter à cause de ça parce que je dépense beaucoup plus que je gagne. Ah ouais. Tu dépenses combien? Enfin, j'ai un salaire, je suis dans la restauration, je gagne quand même 2000 euros par mois, mais là j'en suis à un point où j'ai été obligée de demander un prêt pour recouvrir ça. Mais t'as combien parce par mois de budget de là-dedans? Combien elle dépense? A dit quasiment tout son salaire. Bah honnêtement, j'en suis quasiment là à 40 à 50 euros par jour. Je peux pas en fait exacer mes cigarettes, je peux pas m'empêcher de les prendre. Et bien sûr, tu perds la plupart du temps, non? Ça t'arrive quand même d'avoir des grosses sommes. Plus que je gagne, ça c'est sûr et certain. Et t'as déjà gagné gros ou pas? Une fois au moins? Janvier, 500 euros, c'est tout. Le plus gros, c'est 500. Ça te rembourse pas 50 euros par jour, ça fait 3000 euros par mois. Mais pas du tout, mais c'est de la grosse arnaque. Faut vraiment que t'essaies d'arrêter. Ils disent qu'on peut gagner jusqu'à 500 000 euros, mais je les ai jamais vus et pourtant j'en ai gratté. Ah mais attends. C'est comme le loto, on joue tous au loto et au final, il y a un gagnant et encore, pas tout le temps quoi. Faut que t'ailles voir un jeu à grattétologue. Ouais. Non, mais ça veut dire que t'es addict. Pour le coup, c'est une vraie maladie. Et il y a des gens qui s'occupent de ça. Parce que je peux pas. Même des fois, j'ai essayé de prendre mes cigarettes à la. En me disant comme ça, je vais pas être tentée d'en acheter quand je vais aller au bureau de tabac. Si, je finis par y aller parce que ça m'énerve, parce que j'ai envie de gagner et que ça m'agace en fait. T'as essayé de gratter autre chose pour te sevrer, tu sais. Tu te grattes les poches, tu grattes les murs, tu grattes la route. Tu te grattes les croûtes. Arrête, tu gagnes moins, mais tu perds moins. Et il n'existe pas des patchs pour ça? Si tu te mets des bingos derrière l'épaule. Il y a les astros aussi. Voilà, les astros, tu les lèches et tu te les colles derrière le dos, dans le dos, et normalement tu verras au bout d'un moment ça te fait arrêter. Ouais, mais non, mais par contre, il y a des services addiction au jeu, des trucs comme ça. Il y a un numéro de téléphone, je crois. Attends, je crois que je l'ai. Ah oui, le mec, il faut retrouver le cochon de. Oui, il peut t'aider. Non, mais t'as un numéro de téléphone qui est ouvert de 8h à 2h du matin, apparemment, et tu les appelles et ils vont t'aider. Et effectivement, c'est vraiment une addiction pour ou alors sinon tu te laisses pousser les poils de la foufoune, comme ça tu chopes des vrais morpions et comme ça tu peux gratter des vrais morpions toute la journée. Dégueulasse. Ah, t'es dégoûtant. Mais non, mais essaie d'acheter. Ouais, non, mais franchement, c'est le mot de la fin. Mais ça c'est piètre, il va toujours trop loin de toute façon. Non, mais tu veux pas essayer d'acheter autre chose? Avec quand elle arrive dans le bureau de tabac, au lieu d'acheter ça, elle achète autre chose. Mais si elle dépense, c'est pareil. Achète un paquet de chewing-gum, voilà. Je sais pas. C'est que j'y pense pas fort. Et puis même si je prends autre chose, je finirai toujours. Je sais, j'ai déjà essayé ça, de prendre autre chose ou de pas me concentrer là-dessus. Mais je finis par faire demi-tour et retourner les chercher au final. Ouais, t'es accro, quoi, en fait. Bah ouais, c'est ça. Et puis même. Enfin, les gens ont tendance à pas comprendre. Et même moi, je me dis, mais comment ça se fait que j'arrive pas à passer au-dessus de ça? Il y a l'alerte, c'est chiant, qui vient de sonner. Oh, la pauvre, elle a dit. Non, mais franchement, essaie d'appeler ce numéro, je sais pas, et fais-toi aider par des gens. En tout cas, tu peux pas rester comme ça, tu peux pas dépenser autant d'argent que tu n'en gagnes. Ah, l'alerte vient de ressonner, apparemment. Moi, j'ai carrément Coé qui a raccroché. Ouais, je pense qu'en fait, ça le saoulait. Il est sauté de la voiture. C'était le signal. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait, Jérém, là? On s'écoute des euros. Allez, c'est parti. Et comme ça, donc, on retrouve donc Coé juste après pour l'interview de David Guetta au grand show pour l'Euro 2016. Ah, il devrait pas tarder là. Hein. Ouais, non. Allez, on se dit 2 minutes. Ouais, on met toi 2 minutes aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et Elodie, tiens-nous au courant, hein, parce que la pauvre, on l'a un peu basé quand même. Non, on s'en fout. Non, je suis pas là. Allez, okay. contigo, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Chef, parce que Koué est toujours en route et on me dit qu'il a fait 10 mètres. Ah, ouais, bien. Où en es-tu, Coco? Non, il est plus là. Il a raccroché parce qu'attendez, il était en train de draguer. Hein. Ah. Mais non. Il m'a dit, tu me déranges pour ça? Je suis en train de draguer. Ah, le salaud. Il a fait que 11 mètres. Bon, bah, du coup, on peut s'écouter l'appel de la Roumanie. On a appelé les Roumains qui. Ah, les équipes de foot qui sont dans un hôtel 5 étoiles. Voilà. Magnifique. Et on a Tiara, c'est ça, hôtel. Le Tiara Hôtel à la Chapelle. Et on leur a fait croire qu'ils piquaient des trucs pour les envoyer au pays. C'était de l'humour. Mais ils ont tout copié. Hein. Et ils ont tout copié. De ouf. Écoutez. Bienvenue au Tiara Château Hôtel Mont-Royal. Manon, bonjour. Oui, bonjour madame. Monsieur Barrault, à l'appareil du service postal d'Île-de-France. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je vous appelle parce qu'on a un trafic anormal là, de choses qui sont en provenance de chez vous, visiblement. Qui sont déposées à la poste en direction de la Roumanie. Est-ce que c'est normal? Alors, oui, c'est normal, monsieur, car en fait, nous accueillons l'équipe de Roumanie pour l'UEFA. D'accord, parce que nous avons saisi des objets, c'est étonnant, il y a des serviettes, il y a des peignoirs de votre hôtel. D'accord. Qui sont envoyés en Roumanie, bon, rien de bien grave, mais... D'accord. On a vu des poignées de porte, des poires de douche. D'accord, bon, alors je vais vous mettre en relation avec la directrice adjointe. Merci, madame. Merci monsieur. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Monsieur Barrault, service postal d'Île-de-France à Nanterre. Oui. J'ai eu la charmante personne au téléphone. Je disais qu'on a, on a une recrudescence. Oui. J'ai cru comprendre. Dites-moi, mais elle vous a expliqué ou pas? Recrudescence. Vous avez des colis pour la Roumanie, c'est ça? Absolument. Et c'est du linge? Alors, on a intercepté des serviettes. Ouais. Un peignoir. Ok. Ok. Pourquoi? Bon. Et poignée de porte. Alors, ça, je ne sais pas. Sérieusement? Oui. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Je valide les envois, je bloque non, tout? Non, vous bloquez tout. Ah non, vous bloquez tout, vous me faites... vous êtes où? Là, nous, on est à Nanterre. Ok, attendez, je vais prendre un numéro où vous joindre. Attendez, parce que j'ai un nouveau... Attendez, vous... j'ai pas, madame? Merci beaucoup. Vous êtes dans le... C'est quoi ce colis? D'accord, c'est en... un monsieur de Bogdan Stancu. Il y a quelqu'un chez vous, Bogdan Stancu? Ah, mais on a l'équipe de la Roumanie de football pour la, l'UEFA. Ouais. Donc là, on a un gros problème, je vais aller les voir. Là, c'est des carrés de moquettes. Sans déconner. Oui, je suis comme vous, madame, hein, je vous dis en... Alors, Bogdan... Bogdan Stancu, Stancu, je ne sais pas comment... Stancu. Est-ce qu'il est possible de tout bloquer, bien sûr? Bien sûr, évidemment. Non, parce que c'est, ou c'était un trafic, ou voilà, il y a un dépouillement, hein, c'est ça, hein, on est d'accord. Hein. Ok, très bien. Est-ce que j'ai un numéro où je peux vous joindre, monsieur? Oui, bien sûr. 01... Oui. Ou je vous donne peut-être un numéro. Qu'est-ce que vous préférez, portable ou bureau? Bah, je vais être sûr de tomber sur vous. Alors 0631. Et vous êtes monsieur? Monsieur Barraud. B-A-R-O. Barraud. Et vous êtes au service de la Poste d'Île-de-France. Il y a beaucoup de colis? Écoutez, alors vous savez, nous, on peut en stopper que quelques-uns, hein, en direction de la Roumanie, pas tout le monde. On en est à 7. Ok, mais c'est des gros colis, mais comment ils ont pu envoyer ça? Des serviettes, madame, des... Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des serviettes, attendez, je demande à mon collègue. On a eu des serviettes, on a eu une lunette. Oui. Ah oui, on a une lunette de toilette, madame. Même. Très bien. Okay. Donc, pour enlever une lunette de toilette, c'est... Ok, ça roule. Vous voyez ce que je veux dire, on se comprend, hein. Non, on est d'accord. Ok, très bien. Je vous remercie. Merci, madame. Surtout, vous bloquez tout, je vois, avec notre directeur général. Merci, on bloque tout, madame. Merci, monsieur, de votre appel. Beaucoup, merci. Au revoir, madame. Mec, tu dis rien. Ils vont se faire virer de l'hôtel, l'équipe de Roumanie. Comment c'est possible? Et je pensais que t'allais comment lui dire que c'était une blague, moi. Ah, mais non, c'était trop beau, là. Parce que quand elle va aller les voir, l'équipe de Roumanie, en disant « Dis non !» En voyant l'attaquant, là. Monsieur Stancu, il est où? Et que t'as le coach qui va aller les voir, va dire « Qui c'est qui a volé les lunettes de toilette ?» C'est énorme. Coé, 19h-22h, sur Énergie. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. Quelquefois je détruis ce que j'ai de plus beau, car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Should've left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. Should've gone home. How hard can it be to say no? Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. Feels like I've been looking everywhere just to find out that it's you. Je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je ne suis qu'un homme.

soon, up and up. Up and up. You see the fire staring in every seat. Angels in the marble waiting to be free. Just need love. Just need love. When the golden is right, apparemment est arrivé. Ouais. Alors, j'ai fini de scoper, les amis. On va. Oui, mais ça a bloqué. Du réseau. Ouais. On va faire ça. Un Facebook Live. On peut pas parce qu'en fait, je crois qu'il y a pas de réseau parce qu'on est à côté de la Tour Eiffel. Non, mais c'est surtout qu'il y a 90 000 personnes, bah, les gars. Ça, donc, ouais. Au niveau du réseau, je pense que. La Tour Eiffel, notamment, c'est là où il y a tous les émissions. Donc, c'est là où t'as plus de téléphone. Ouais, ah ouais, ouais. La Tour Eiffel. Ouais, ça nique les batteries. Donc, c'est un peu une galère. Même là, je ne suis ni en 3G ni en 4G. Je suis en aucun G. Ouais. Ouais. Alors, attends, on a fait les tests là pour le dans la loge. Je sais pas si vous êtes loin, mais en tout cas, ça marche super bien. Ouais, il y a un super son. Vous pouvez pas y accéder. Je me rapproche du micro. Bah, ça serait bien, ouais. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Bah oui. Parce que en fait, il y a juste un son de ouf. Ils me disent que ça marche bien, les gars. Vous m'entendez là? Ouais, mais toujours par le téléphone. Attendez. Est-ce que là vous m'entendez? Et Dieu arriva. Ah ouais, je suis con aussi à parler dans le truc. Mais attends, oui. On a l'impression que t'es là. Ça fait bizarre. Mais oui. On dirait que t'es avec nous. Vas-y, bouge. Ça y est, je suis là. Mais non. On te voit pas. T'as vachement maigri, dis donc. Elle se moque, ça me fait plaisir de. Ça y est, on est là. Je vous explique. On est dans un camion qui ressemble à un camping-car. Ouais. Et on est au milieu de tous les autres camions. On est juste derrière la scène. Et David, vous voulez les infos live? Ouais, ouais. Vas-y, dis-nous. David vient d'arriver, il mange un bout de salade. Je n'ai pas plus de renseignements. Fais gaffe, je crois qu'il est sans gluten de mémoire. Dans 3 minutes, ouais. Dans 3 minutes, on fait le truc avec lui. Bon, comment ça va au studio? Je vous manque un peu ou pas? Ah ouais, carrément, ouais. Ouais. Oh, vas-y, je t'ai entendu, Guiguette. Le public, quoi, vous manque ou pas? Oh là là, le ouais de mou que vous avez fait. C'est un ouais de, on n'y croit pas. Alors, les techniciens, ils sont morts de rire. On va le refaire. Le public, quoi, vous manque ou pas? Ouais, c'est pas. Mais t'es pas là aussi, tu vois, non, c'est pas grave, faire, je ne reviens. Non, mais attendez, si vous voulez que je ne revienne pas, je ne reviendrai pas. Rassure-toi, personne n'a pris ta place. Non, on est resté à nos places. Hein. Voilà. Ton siège façon, est je l'ai piégé. Et on a mis une poupée gonflable à ta place. On a mis des cierges et des fleurs. Bon, et il y a quand même un temps de fou ici sous la Tour Eiffel. Hein. J'ai mis... on a vu ça, il fait super beau. Pour ceux qui nous écoutent, retrouvez-moi sur Snap à Koyoff. J'ai mis plein de trucs du voyage avec Julian Peretta. J'ai mis plein de vidéos, plein de photos, plein de délires, plein de trucs. Et là, Loris se bat désespérément. Ah, Loris, bonne nouvelle, vient de trouver le Facebook Live. Je vous demanderai, vous, dans le studio, d'applaudir très fort, Loris. Bravo. Vous allez donc, à partir de maintenant, pouvoir en plus... voilà, tout le monde l'applaudit, on est tous fiers. Hein. Là, on est pas bien dans notre petit camping-car. C'est ça, il y a Zaza. Ah, il y a nos potes qui filment. Regardez maintenant, tout un studio radio qui tient dans une petite boîte. C'est fou, on a juste des boutons. Si, ah oui, mon micro, donc, c'est lequel? Ah, ça y est, on vous voit. Attendez, excusez-moi. Donc, si je fais plus, ah oui, ils m'entendent plus. Voilà. Effectivement, c'est, ouais, c'est marrant. Bon, alors, sinon, voilà, donc on est là. Je peux faire visiter, je peux vous expliquer. Ouais, donc, vas-y. J'ai une douche. Ouais. Ça marche déjà plus, Facebook Live? Ah, j'ai une petite douche derrière que je ne prendrai pas, un petit climatiseur. Ouais. Voilà, et par contre, vous savez ce qui est très frustrant? Il y a un R à frustrant. Ouais. Sinon, ça fait frustrant, et ça veut rien dire. Ce qui est très frustrant, c'est d'être derrière cette énorme scène. Marqué Euro 2016, et de ne pas voir les gens qui sont devant. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas, quoi. Comment ? Il y a de la meuf. Non, mais avec vous. Visiblement, il y a beaucoup de gens. On les entend crier, on entend un bruit de dingue, mais je ne les vois pas. Mais qu'est-ce qui se passe si tu sors, il y a le GIPN qui te tombe dessus ? Non, alors il y a une sécurité de dingue. Attention. Alors, je voudrais quand même dire un truc, parce que vous savez que je suis quand même du genre à vanner. Ouais. Et là, je voudrais dire qu'il y avait beaucoup de forces de police, mais courtoises. Ah. C'est-à-dire vraiment poli, ouverture de porte, contrôle sérieux, machin et tout. Et ensuite, non, ça voilà, ils ont sécurisé le truc vachement bien, mais pas en mode bourrin, quoi. Vraiment en mode, voilà, politesse, etc., etc., etc. Veuillez vous baisser, s'il vous plaît, que je vous matraque la gueule. Non, mais c'est là, voilà, donc on est dans notre petit studio ici, et sur un canapé qui est un canapé qui me semble être en cuir. Ouais, on le en voit. Cuir véritable, que vous pouvez trouver chez Cuir Center, puisque je pense que tout sera totalement à vendre. À la fin de... Ah, c'est de la vachette. Ça, les gars, c'est de la vachette. Hein. Ah ouais. On est d'accord, les gars. Moi, je suis pas un spécialiste, mais il y a une fille qui est là. C'est de la vachette ou pas, ça ? De la vachette d'Interville. Touche, t'as pas touché. C'est de la vachette, c'est de l'agneau, c'est quoi ? C'est de la vachette, ça. C'est du pleine fleur. Qu'est-ce que j'en sais ? Tu devrais être spécialiste en canapé. Ça, c'est du pleine fleur, ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est qui ? Elle est mignonne. Bah, elle travaille ici. Elle est très mignonne. Mais comment vous la voyez ? Ah, vous l'avez vue en live ? Bah oui. Ah, ils t'ont vu sur Facebook, mademoiselle. Vous êtes obligée de dire qui vous êtes parce que les gens vous voient en même temps. Elle travaille chez Énergie. Mais elle va dire qui elle est. Elle peut se présenter ou pas ? Allez, viens, prends le micro. Comment tu t'appelles ? Très joli rouge à lèvres. Viens ici, très joli rouge à lèvres, très jolie jeune fille, tout court. Elle est timide. Bonjour. Ah, elle a dit bonjour, vous avez entendu. Ouais. Elle sait parler, ce qui est déjà... Toutes ne savent pas le faire. Hein. C'est très bien. Ensuite, le prénom ? Inès. Inès. Et tout le monde, tout le public va dire bonsoir, Inès. Attention, 3, 4. Bonsoir, Inès. Voilà, Inès, mais où travailles-tu donc ? Chez Énergie. Mais je sais, mais à quel où ? Étage ? À notre étage, les gars. Mais pourquoi on l'a jamais vue ? Community manager. Elle est derrière. Ah, c'est à toi qu'il faut qu'on demande les codes. Alors, faut que je te parle d'un truc. Donc, ça se passe bien ? Très bien, ouais. Très bien, ok. Est-ce qu'il y a des gens qui te draguent dans la maison ? Je veux les noms. Je veux les noms de tous les animateurs bourrins de cette maison qui t'ont déjà dragué. Je crois que t'as Loris à côté. Ah, c'est pas possible. Il fut un temps à Énergie, bon, on draguait pas les filles. Mais maintenant, c'est passé. Maintenant, tout le monde drague les filles. Ouais. Enfin, personne t'a dragué ? Non, jamais. Bon, bah, dès alors, demain, je voudrais commence. M'adresser à l'équipe d'Énergie. Je m'adresse à Guillaume, à Manu. Je m'adresse à Cash, je m'adresse à tout le monde. C'est pas possible que vous laissiez passer une demoiselle comme ça sans la draguer. Il y a un truc qui va pas, d'accord ? C'est pas normal. Elle est belle comme tout, personne la drague. C'est quoi cette histoire ? À nostalgie, je peux comprendre. Sans médicaments, il n'y a pas d'érection. Mais à énergie, ils devraient te draguer. Et ils le font pas. Ça a changé. C'est hein. Son quart d'heure, tu sais que moi, tu serais venu au moment où j'ai démarré, mais on aurait déjà niqué sur le canapé, derrière, dessus, dessous, le cuir pleine fleur. À la belle époque. On aurait kiffé. Voilà, mais c'est fini, ça c'était la radio d'avant. T'es en craquage total ce soir, t'es en craquage total. Comment ? T'es en craquage total. Ce soir, vous avez décidé de me sortir du studio, vous payez le résultat. C'est ça. Vous êtes sorti du studio, vous m'avez déchaîné. Bon, dans combien de temps tu voilà. penses qu'on peut avoir David ? Écoutez, vous voulez. On m'a dit, il arrive. Ah, vous voulez qu'il arrive en live ou vous voulez laisser se poser le temps on fait un disque tranquille ? On peut se mettre un petit disque. Ouais. Mais Eraïs Tréfi, juste après, je vous assure, vous allez voir, David sera là, suivez-moi sur Facebook Live. On te suit. King of C'est ça qui tranche parce que moi je vais être franc avec vous. Vous, c'est le bordel dans le studio. Oui. Je sais pas combien il y a de milliers de personnes qui sont juste à côté d'ici. Et nous, on est à la cool. 80. 80 seulement. Mais c'est alors, attendez, 80 000, c'est beaucoup. Non, on vient de voir les images. On vient de voir les images de TF1. C'est hallucinant. On a l'impression qu'il y en a 10 fois plus. Ah ouais, c'est hallucinant le monde qu'il y a. Et nous, on est là dans un. Sur de petits camping-car. Bah ouais, c'est ça, tranquille. Après, on part en vacances. On est bien, monsieur David Guetta, je suis content de te voir. Ça va ? Ouais, ça va, on a eu. C'est presque con que vous n'ayez pas mis les micros avant, on avait des conversations très intéressantes avec David. On a entendu les anciens combattants, là. De la conversation sur le gluten qui était passionnante. Ouais. Bon, alors, et alors, est-ce que tu viens d'où ? J'ai envie de connaître un peu le planning, là, là t'étais où avant ? Non, mais alors, j'ai fait un périple pas mal. J'ai fait Vegas, Abidjan, Ibiza. C'est pas mal, ça. Vegas. Va, ouais. J'ai fait une soirée à Vegas, après le lendemain une soirée à Abidjan et le lendemain une soirée à Ibiza la semaine dernière. C'était pas, j'ai trouvé que c'était pas mal quand même. C'est énorme. C'est et alors la meilleure ambiance Abidjan, ça devait être bien. À Ibiza, non ? Alors voilà, je dois dire que c'était la première fois que je jouais. J'avais déjà joué en Afrique du Sud, mais c'est assez différent. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est la première fois. C'était vraiment incroyable. Ah ouais. Mais vraiment incroyable et une joie de vivre. Mais c'était extraordinaire. Une capacité à être heureux, ils m'ont mis de bonne humeur, quoi. Vraiment. Et t'es reparti, et t'es la soirée. J'ai un truc que je voulais savoir. Est-ce que t'as prévu, on peut se le dire là maintenant, c'est dans quoi ? C'est dans 2 heures. Est-ce qu'il y a un truc de prévu ? Je me doute bien que tu n'es pas seul avec 2 platines devant 80 000 personnes. Si, si. Mais si. Mais c'est ça, parce que les mecs, à chaque fois, ils me disent, mais. Je te jure, les premières fois que j'ai été booké dans des festivals rock, ils me disent, comment tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ben rien, je viens sur scène et je mets le feu. Et voilà. Je vais essayer de faire ça. Bon, là, ça fait un peu, je me la raconte. Mais attends, et là en plus, t'es bien. Non, il n'y a rien. Bon, j'ai quelques petites animations de lumière. Voilà. Dont la Tour Eiffel, quand même. Oui, non, mais qui est un accessoire qui est un accessoire de scène qui est pas mal. Ouais. Qui est pas mal. Mais vraiment, on a programmé la lumière sur la Tour Eiffel. C'est ouf. C'est ce que j'allais te dire. J'étais sûr qu'il y avait un truc de programmé avec la Tour Eiffel ou un changement de lumière entre toi J'ai un système qui contrôle toutes les lumières quand je fais des concerts. Et évidemment, à chaque fois qu'on arrive, on programme ce système. Et voilà, on a rentré la Tour Eiffel dans la programmation. Merde. Mais c'est ouf! L'essai a été fait quand? Julie, elle m'a dit qu'il y avait des essais qui ont été faits cette nuit. Ouais, toute la nuit. Oui, ben, hier, on a répété. Depuis 2 jours même. Hein. Ouais. Tu sens la voisine? Depuis 2 jours! Fait 2 jours qu'ils font des essais. J'ai vu la Tour Eiffel bleue, rouge, vert. On ne peut plus dormir. Elle est heureuse, mais elle est un peu vieille. Mais c'est pas la déranger la nuit. Hein. Ah, ouais. Bon, restez avec nous dans un instant. On a combien de temps ensemble? On est à la cool? Combien de temps on fait? Je viens de manger à l'instant. C'était bon ou pas? Ouais, ça manquait un peu de gluten. Mais c'est toujours sans gluten? Parce que Koé et moi, c'est officiel, on ne mange plus de gluten. Ouais, alors lui, c'est plus du tout et moi, je freine. C'est-à-dire, je mange plus de pain, je mange plus de machin. Mais en fait, j'en mange plus quand on regarde bien. Oui, bah, non, en fait, je suis con. Mais dans tes barres protéinées, c'est plein de gluten, ça, mec. Non, il n'y a pas de gluten. C'est free gluten. Y a pas gluten. Pas gluten. Non, parce que je les fais chier avec mes barres protéinées. C'est un peu. Et les frites c'est un peu que tu nous voles. Mais tout ça pour ça, parce que je vous dis un truc, parce que David est arrivé tout à l'heure en disant que j'avais un peu minci. Ah, beaucoup. Pas un peu. Ah non, mais il a perdu 10 kilos quand même. Hein. Bah oui. Ça fait chier tout le monde ce qu'on est en train de raconter. Ouais, je vous raconte peu, pas. Et quand tu fais un truc comme ce soir, tu vas être en live. Tu vas être en live devant 80 000 personnes. Ça, je veux pas dire que t'as l'habitude. La télé en plus. Là, pour le coup, c'est des millions de gens et c'est en live. Plus stressant, la télé. Un petit peu plus. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis pas ce qui peut arriver à tous les DJ, je peux me planter sur un mix? Ah si. Ah si, bah bien sûr. Bon, alors ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, parce que tu te rappelles quand on mettait des vinyles, des fois, tu sais, exactement, t'enlevais, à force, t'en mets un, tu mets l'autre platine, une platine, platine A, platine B, et puis tout d'un coup, t'enlèves pas le diamant sur le disque qui est en train de jouer. Ça, c'est des grands moments de solitude, mais je vais essayer de ne pas faire ça ce soir. Et puis ça devrait bien se passer. Et sans porter l'œil, parce que c'était. Mais est-ce qu'il y a déjà eu une plantade? À un moment donné, tu fais un festival, un truc, sûr. Et tu non, sais mais pas pour trucs. Écoute-moi, moi je suis en détente. Moi je viens m'amuser. Donc même s'il y a plantade, je rigole. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah ouais? Mais oui, l'important c'est pas. On passe un bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ils viennent, ils s'éclatent. Bon, si tu rates un mix, c'est un peu la honte, mais c'est pas grave, quoi. Je veux dire, ouais. Mais non, oui, si, un peu, ouais. Si. Non, mais tu feras pas. Ça. Et puis, il y a Zara qui vient m'aider. On va faire des Sponsor You tout à l'heure. C'est plus des trucs comme ça qui me font peur, en fait. Ah ouais? Bah oui. En fait. Tant que moi je suis en maîtrise de mon histoire, c'est fait moins peur. C'est quand tu rajoutes la voix en live c'est sur ça, le. Voilà. Tu sais que la dernière fois on a eu Zara Larsson qui disait qu'elle t'avait jamais rencontré. Ben oui, c'est vrai. Et qu'elle s'est vue la première fois hier. C'est complètement fou parce que je lui ai envoyé la chanson. Ensuite elle a enregistré. Ensuite j'ai produit les voix. Mais on s'était jamais rencontré. Elle nous a dit que t'étais cool. Hein. Ceci dit, elle a dit il est adorable, il est gentil, mais je l'ai jamais vu, je vais le voir pour la première fois. Ouais. Elle est mignonne. Oh, elle est mignonne. Elle chante bien, elle sait danser, elle a tout pour être, avoir plein de succès. Reste avec nous, on est là entre nous ici, on est dans notre petite loge, mais on est à quelques mètres d'un des concerts qui va être l'un des plus gros concerts sous la Tour Eiffel jamais fait. On revient avec David Guetta dans 2 minutes. Vous bougez pas l'équipe ? Non. Ouais, on est là. Et on qu'est-ce qu'on écoute justement ? David Guetta et Zara Larsson. C'est fou, mais je te jure, il y a un truc de malade. Pas pour rien. sur Énergie. Bonsoir, en live ici. Oh merde, c'est fort. Tu m'as tué les oreilles là. J'entendais ça. Il y a un problème technique. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que David est sourd ce soir. Il ne pourra pas. Je crois que j'ai parlé un peu fort dans mon dans le casque. Il n'a pas entendu le public qui criait son nom du coup. Si, on l'a bien entendu. Ah, c'est surtout moi qui l'a bien entendu. Ah. Bon, en tout cas, David, ce soir, on va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a un ballon. On a ramené le ballon officiel. David va vous le signer. Et comme ça, ce que je fais, c'est que tout à l'heure, si j'arrive à revenir, je reviens au studio et on se dit c'est lundi. Cool, je vous offre le ballon dédicacé par David Guetta. Vous êtes d'accord, l'équipe? Ah ouais, super, ouais, grave. Voilà, donc on se dit aussi que tout à l'heure ça va être un mix de dingue, que dans quelques minutes David là doit devoir y aller parce que en plus il doit voir Will.i.am et tout. Est-ce que t'es prêt pour dire bonsoir à tout le monde, comment ça va ce soir dans toutes les langues? Parce qu'il va y avoir tout le monde à mon avis, il n'y a pas que des Français hein, là. Ah bah ouais, c'est clair, toute l'Europe. Bon, en anglais, on va faire français anglais. Vas-y en anglais. En anglais à la cool, tu sais. En allemand? Ah non, je sais pas. Putain, merde, révise-le. Je sais pas, je suis mauvais. En allemand, hey. C'est impossible. Wiget has in an item album. C'est impossible. Tu sais, des fois quand je sors un album, ils me font faire des jingles. Tu sais, des jingles pour faire la promo dans chaque pays. L'allemand, j'y arrive pas. C'est tellement dur. Wiegenzi. Ben, c'est ça. Ouais, ben tu t'arrêtes là, c'est le principal. Bon, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Que du bon alors. Ben, on va juste s'amuser. Ouais, ben t'as raison, mon pote. Ce que dis-toi que si jamais il y a une galère. Je t'appelle. Quoi que ce soit. Je t'appelle. T'es sur scène, un truc qui me. Non, je me pose, ou bien sûr, je me. Quoi que ce soit, tu m'appelles. Y a pas de problème. D'accord? Laisse-moi 20 minutes parce que ça roule mal. Et j'arrive. Je voudrais que le public vous fasse du bruit pour David Guetta. On va te mater à la télé, on va t'écouter sur Énergie ce soir. Merci beaucoup, salut. C'était cadeau pour vous ce soir. Allez, à tout de suite, l'équipe. Vous me laissez du temps et je reviens. Allez, reviens vite. Hein. Et bisous. 22h. Énergie. Guillaume. Qu'est-ce que c'est qu'une mandoline? Ah, attends. Ah oui, c'est un instrument de musique. Voilà. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que la gabelle? La gabelle, c'est pour manger. Mais non. C'est la gabelle. La gabelle. La gabelle, c'est les impôts, non? Je croyais que c'était un comique, Gabelle Malé. Guillaume Radio 2.0. Ce soir, 22h. On Energy. Disney présente Alice de l'autre côté du miroir. Cette année, Alice. Il ne faut pas négliger ses amis. Dépêche-toi. Oh non, ça recommence. Pour sauver le pays des merveilles. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas devoir sauver la famille du chapelier. Ce n'est pas impossible. Tout juste pas possible. Le temps sera compté. Ce sera une course contre le temps. Il vaut mieux ne pas l'avoir pour ennemi. Le temps est une personne. Jeune fille, vous avez fait votre temps. Alice, de l'autre côté du miroir, produit par Tim Burton, actuellement au cinéma, avec Énergie. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes, du niveau brevet à Bac plus 5, dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Gagnez votre super séance énergie pour Ninja Turtle 2, la suite des aventures des super-héros les plus cool. Connectez-vous dès maintenant sur energie.fr et gagnez dans votre ville une projection privée du film en avant-première juste pour vous et vos amis. Ouais, carrément trop mortel. Ninja Turtle 2, au cinéma en 3D le 29 juin avec Énergie. Get music only. Leclerc. Philippe, c'est quoi tous ces paquets d'emmental râpé dans le frigo? C'est de l'emmental râpé français extra fin entre mont au lait de vache que je viens d'acheter en promo chez Leclerc. T'en as pris 3 paquets? Bah, 2 achetés, 1 offert. Ah d'accord. C'est parce qu'il y a mille et une façons de l'apprécier que du 1er 11 juin chez Leclerc, pour l'achat de 2 paquets d'emmental râpé français extra fin entre mont de 160 grammes chacun, 29% de matière grasse est transformé en France, le troisième est offert. Voir modalité dans les magasins participants. J'adore ça le fromage râpé. C'est bon dans tout! Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Avril, votre série inédite, mardi à 20h55 sur Énergie 12. Ne manquez pas les derniers épisodes de la série. Queen et Rachel, les productrices de choc. Mais jusqu'où iront-elles? Je veux mettre en place le meilleur final qu'on ait jamais tourné. Leur ambition n'a pas de limite. Unreal, la série phénomène qui met la télé à nu. Mardi à 20h55 sur Énergie 12. Jusqu'au 20 juin, c'est les ventes privées chez Conforama. Et grâce à la carte Confo Plus, c'est l'occasion de profiter de remises exclusives allant jusqu'à moins 50%. Alors, c'est pas beau d'être un privilégié? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Adhésion à la carte Confo Plus en magasin, voire conditions sur conforama.fr. Pendant l'Euro, il y aura des matchs de poule, des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, une finale. Mais une seule équipe jouera l'intégralité des matchs, sans exception. Cette équipe vous suivra partout. Elle sera dans votre kiosque, sur votre bureau, dans votre salon et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. Leclerc. Juliette, toi, ma vraie fan de foot et supporter de notre équipe nationale. Avec moi chez Leclerc. Pourquoi chez Leclerc ? Eh bien, parce qu'en ce moment, chez Leclerc, il y a le grand jeu de la Ligue des supporters avec plein de maillots de foot à gagner de toute beauté. Devenez le meilleur des supporters grâce au jeu La Ligue des supporters. Du 1er 11 juin chez Leclerc, tentez de gagner un maillot de foot dès 25 euros d'achat ou pour l'achat de 3 produits partenaires du jeu. Voir modalité dans les magasins participants. Un maillot pour chanter tous ensemble. Allez, la France ! Et vous ? Oui, vous, derrière la radio, vous faites quoi pour la journée mondiale des donneurs de sang ? Je dis ça parce qu'en moins d'une heure, vous pouvez sauver une vie. Des vies. Venez, on a besoin de vous. Célébrons la vie, donnons notre sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur jedonnemonsang.net. Ceci est un message de l'établissement français du sang. Et voici la sélection Beansport pour cet Euro 2016 qui rentre sur le terrain. J'aperçois Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Darren Tullet, Marcel Desailly en grande forme, Jean-Pierre Papin, Robert Pires, Luis Fernandez, Omada Fonseca, Christophe Jorge bien sûr et un Bruno Chéreau très motivé. Demain, coup d'envoi de l'UEFA Euro 2016 avec le match France-Roumanie en direct sur Beansport. Et jusqu'au 10 juillet, vivez tout l'UEFA Euro 2016 sur un plateau avec Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. Est-ce qu'on m'entend là ? On a Chloé ou pas là ? Ouais, t'es là ? Ah voilà. Ouais. Excuse-moi, il y avait un peu de décalage. Excusez-moi, il y a une ambiance incroyable dans le studio. Vous dépassez les 80 000 personnes ici, hein, pardon. Hein. Bah oui. Mais là, il y a un moment. Bon, ça va vous de votre côté ? Ouais, tu vas aller voir la foule un peu ou pas ? Non, je ne peux pas. Ah merde. Parce que en fait, si, il faudrait que je monte. Sans demander. Mais. Non, ça mais en fait, c'est compliqué. Tu vas te faire sniper. Non mais c'est très compliqué quand même là. J'ai pas. Non, puis ils vont prendre l'antenne derrière TF1 là, non ? Oui, non, mais bon, ouais, c'est compliqué. Non, ce qui est dommage, c'est qu'on est juste à quelques mètres de tous les gens et en fait, on je les vois pas parce qu'ils sont au même niveau que moi. C'est frustrant. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est assez frustrant. Ça me rappelle quand j'étais petit qu'il y avait un vendeur de glace et qu'on me disait non. En plus, on va passer le Zougoulou là. T'aurais pu aller chanter avec le public et tout. Ah, c'est ouais. Le Zougoulou qui est la vie. Hein. Oh, t'imagines Zougoulou devant 90 000 personnes ? Mais Julie, arrête. Fais un bouche, Coco, là. Fais quelque chose. Tu vas me faire pleurer. Il va falloir que bientôt on fasse le Zougoulou en live. Le clip, là, il arrive. Allez, Julie, oui. Très sérieusement, et je vous promets que je ne me fâcherai pas. Où en sommes-nous du montage de Kev Adams et du Toc Toc Toc ? Ah, Julie vient de quitter le studio. On me dit qu'on ne le capte plus. On me dit qu'on n'a plus Julie. Alors, mais non, parle Julie. Non, il y a eu un problème de machine, du coup, on est obligé de tout faire redémarrer. Non, le problème, c'est qu'on a vraiment du matériel technique ici qui n'est pas vraiment bon. Donc, du coup, je pense qu'on va le faire sur ordi chez nous. Ça sera plus simple. Sur Windows 95. Oh. Voilà. Les amis, vous êtes sérieux ? Ça se fait en ligne quand ? Demain matin ? Oh là là, vous êtes dur. J'avais prévu ce soir aux fans de Kev Adams. Je sais. Mais on a un matériel qui n'est pas vraiment bon ici, il va falloir le changer. Les Adamsiens et les Adamsiennes, qu'est-ce que je leur raconte ? Il va falloir appeler Jean-Paul, je pense. Ouais, mais bon, hein, si mais je dis à Jean-Paul, je pars. Bah, c'est que, voilà, on a un PC de 98 là. Exactement. Ici. Exactement, bon, non, mais c'est sans les déconner, amis, c'est écoutez, ça. Donc, les fans de Kev Adams, vous attendez que ce soit prêt, peut-être dans la nuit et tout, le film du Goulou. Demain. Tout va peut-être arriver dans le week-end, hein. Je sais pas, en plus. On verra bien. Pour l'instant, là, on est en train de reprendre une voiture. Et de repartir direction l'hôtel où je reprends mon scooter. Donc autant vous dire, je suis là dans 5 jours. Voilà. Mais tout ça avec du Zougoulou dans les oreilles, ça devrait être pas mal. Oui. Mais moi ça, c'est le Zougoulou qui est la vie. Et on a prévenu, demain il y a Soprano qui est chez nous. Oui, il y a Soprano et Mom. Ah, ça va être énorme. Bon allez mettez-moi Zougoulou et puis je vous reprends juste après. Vas-y. Koé, 19h, 22h. Sur Énergie. On est là. Yé papa, Redouane Bougueraba. Yé maman, Tony Saint-Laurent. Yé bébé, c'est Koé. Ce sont pour tous les chanteurs disparus des tubes de l'été. Tra. j'ai dit. Colonel Réal. La Rousseau, tu m'oublieras. On l'a oublié dès le premier refrain. Direct. Bouger les fesses de droite à gauche. Sur du zougoulou, zougoulou. Bourré, t'attrapes que des moches. Tu vas zougoulou, zougoulou. Mito, t'as rien dans les poches. T'as du zougoulou, zougoulou. Fatoumata et Tamaté. Est-ce que tu m'entends? Et bouger les fesses de droite à gauche. Sur du zougoulou, zougoulou. Bourré, t'attrapes que des moches. C'est pour les papi chulo et les mamies Diallo et pour tous les gros qui boivent du coca zéro. Mets-moi un mojito, c'est 25 euros. Mets-moi une Antalo, c'est 24,90. On va aller boire l'eau du robinero. One gale, one gale, wow. Bouger les fesses de droite à gauche. Zougoulou, zougoulou. Bourré, t'attrapes que des moches. Tu vas zougoulou, zougoulou. En dansant la Zumba, t'as fini au camping à manger de la pizza. Je vais pourrir ton été, tu vas l'entendre mille fois. On va être plus rediffusé que Cyril Hanouna. Mais t'es un fou là, mon numéro. Mais vous êtes des malades. Bouger les fesses de droite à gauche. Sur du zougoulou, zougoulou. Bourré, t'attrapes que des moches. Tu vas zougoulou, zougoulou. Mito, t'as rien dans les poches. T'as du zougoulou, zougoulou. Sous le soleil. Franky, c'est tous les revers, danse des épaules, tous les renois, danse des fessiers, tous les coutures, danse des kebabs, tous les chinois, Gangnam Style, tous les roumains, danse de la main, tous les nains, danse sous la table, tous les hindous, danse de la rose. Et Koué, on connaît tes techniques en soirée pour les... Tu avances vers la petite, tu attrapes la petite. Hey, Koué la petite, Koué la petite, Koué la petite, Koué la petite, Koué, Koué, Koué la petite, Koué, Koué, Koué la petite, Koué la petite, Koué la petite, Koué la petite, Koué la petite. Non mais lâche-la la petite. Bouger les fesses de droite à gauche. Sur du zougoulou, zougoulou. Bourré, t'attrapes que des moches. Tu vas zougoulou, zougoulou. Mito, t'as rien dans les poches. T'as du zougoulou, zougoulou. Saga Africa, on va tomber la chemise. Zougoulou à gauche, zougoulou à droite. Zougoulou, qui est la vie. Waouh, il est claqué ton type. Koué, 19h-22h sur Énergie. Eh oui, bonsoir. Tout le monde sur Énergie, tout le monde, sauf Koué qui est toujours en haute. Bah, elle est sur la route, ouais, là, il revient tout voilà. Doucement. Il va pas tarder à arriver. Et du coup, en l'attendant, le temps qu'il arrive, Julie, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se réécouter le super jeu avec Kevin qui piégeait sa tante, je sais pas si vous vous en souvenez. Alors, c'était fait refaire les seins. Enfin, ah ouais, les seins en gants de toilette, il disait. Et il lui disait ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ou c'est elle qui lui disait. Ah sais, non. C'est elle qui disait ta gueule, non? Oui, c'est elle qui disait ta gueule. Ouais. Bon, le mieux, c'est de réécouter, non? Ouais, voilà. Parce que si on attend après Piette, on n'y arrivera pas. Ouais, c'est Kevin. Ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va, ça va. Comme ça. Ouais, t'as pas ça. Ouais, ben ouais, non, mais il faut que tu dises quelque chose en fait. Ouais, mais tu peux pas parler un peu plus fort. Il faut que tu dises quelque chose, en fait. Ah, t'as l'air agressif, là. Ben vas-y. Ouais, non, pas trop bien. Que... Non, je suis un peu énervé, là. Parce qu'il faut vraiment que je dise tout ce que je pense de toi. Il faut vraiment que je dise tout ce que je pense de toi. D'accord, mais je t'entends de loin. Tu peux pas parler un peu plus fort, alors. Il faut vraiment que je dise tout ce que je pense de toi. Tu m'entends, là, ou quoi? Ouais, j'entends, là. Ouais, oh, oh, calme-toi. Ouais, ouais, tu m'entends pas, aussi, j'attends. Vas-y. Ouais, t'es une grosse vache, va. Comment ça, je suis une grosse vache? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'as bu, t'as craqué ton slip? Non, pas du tout, non. Il faut que je te le dise, parce que ça commence à te casser les couilles un peu. Pourquoi? Parce que tu as cassé les couilles à tout le monde, parce que t'as 55 ans et que personne ne veut de toi, voilà pourquoi. Mais comment tu peux me dire ça? Parce que je te le dis. C'est tout? Je crois... Tu veux qu'un mec chier, là, non? T'arrives jamais à garder un mec, aussi, garde un au moins. Hein? Non. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu comprends pas quoi? Je comprends pas. Que t'arrives même pas à garder un mec? Non, je comprends pas pourquoi tu me dis tout ça. Mais parce que j'avais envie de te le dire. Ça fait un moment que ça me trotte, tu casses les couilles à tout le monde avec toi aussi. Mais t'es sérieux là? Ben oui, je suis sérieux. T'as d'autres choses à me dire? Comme ça? Ouais, si tu veux, je peux t'en dire plein, si tu veux. Vas-y, vide ton sac, hein. Avec tes 5 gaz de toilette, il faudrait que tu payes un mec pour qu'il accepte de coucher avec toi aussi. Tellement qu'elle est refaite, moi. Tellement je suis refaite? Ben oui. Me manque pas un peu de respect, là? Et oui, tu casses les couilles à tout le monde, tu peux faire chier tout le monde avec ça. T'as gaspillé déjà 30 000 euros avec ça, refaire tes seins. Et ça servira à quoi? Pour que ça retombe encore? Putain. T'es pas chié. Oh putain. Hein? T'es pas chié. T'es pas chié de quoi? T'es pas chié de me parler comme ça. Ben, je te parle comme j'en ai envie, je te le dis, c'est tout. Non, pas comme t'en as envie. T'es ben pas oui, comme pourquoi? T'en as envie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu m'énerves là, parce que tu là, me dois le respect. Ferme ta gueule, tu bégayes, ferme ta gueule, tu bégayes. Toi, ferme ta gueule. Toi, quoi, ferme ta gueule. Mais tu t'as. Comment tu oses me parler comme ça, mais t'as pas honte? Mais non, j'ai pas honte. Non, non, ça va. T'as pas honte? T'as bu un coup là. Mais ta gueule, mais ta gueule. Mais toi, ta gueule. T'as bu un coup mais là, ou ta quoi gueule, là, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Mais moi, il m'arrive rien, toi. Eh ben moi, non, moi j'étais tranquille, là. Grosse vache, vas-y, qu'est-ce qui t'arrive? T'en as d'autres comme ça, gants de toilette. Et toi. Ferme ta gueule, je te dis. Non, tu fermes pas ma gueule, non. Tu vas me faire fermer ma gueule, toi, peut-être. Ta gueule, là. Hein? Toi, ta gueule. T'entends? Toi, ta gueule. Comment tu peux me dire ça, toi? Comment tu peux me dire ça à moi, mais t'as pas honte? Dans ta gueule, t'as pas honte. T'as pas honte, mais tout ce que j'ai fait pour toi, t'as pas honte là. Non, j'ai pas honte. Tu fous ma gueule, quoi? Non. Tu fous ma gueule, quoi? C'est comme ton fils, c'est pas ton cassasse de fils qui dira le contraire aussi, que t'es tellement grosse. Et que t'es refaite. Mon fils, touche pas à mon fils. Écoute-moi bien, touche pas à mon fils. Hein. Mais c'est une touche merde, pas ton à mon fils. Hein. Tu vas peut-être merde, essayer fils de me faire ma gueule avec tes insultes de merde, mais tu touches pas à mon fils, t'as compris? Mais c'est une merde. T'as compris? Ton fils, c'est rien. Je vais venir, tu vas manger tes dents. Mon fils, mais je ne touche pas. C'est pas pour élire, t'as compris? Là. Ouais. T'as compris, là? Tu crois quoi, toi? Petit merdeux, quoi, là. Toi qui t'es le 4-5 ans, t'es des gants de toilette. T'as vu ton bide, toi? Ouais, t'as vu ton bide, t'inquiète. Toi? T'inquiète, je les attends. T'inquiète. T'as vu ton bide, là? Il est en quoi, là? Il est en quoi, là? En quoi, là? En quoi, là? En barre de chocolat? En quoi, là? Ça fait du Nutella, ton ventre, à toi, là. Du Nutella, ton ventre, à toi, là. Quoi? T'es sérieux que tu croyais que j'allais fermer ma gueule, là? Hein? Mais je savais que fermer ma gueule, là. Et t'en as encore comme ça, là, mon fils? Mais ta gueule, quoi? Je te dis, ta gueule! Toi, ta gueule, tu m'entends? Je vais venir, je vais te casser la parole. Toi, ta gueule, toi. J'ai pas besoin de ton père, de ta grand-mère, t'as compris? T'as compris, ouais, là? Mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Grosse bolosse, ouais, je vais venir, ça va pas se passer comme ça. Je te le dis, je vais venir, là. Mais t'es une bolosse, tu seras rien dans ta vie. Une bolosse, tu es toi-même, bolosse. Et bolosse là, qu'est-ce que t'as fait toi de ta vie, putain de merde. Deux gosses qui va bien avec une belle famille, que ça va. Belle famille, moi j'ai gardé mes femmes, hein. Moi ça fait 10 ans que je savais que j'ai gardé, toi. Ouais, tu sais garder tes femmes, ouais, ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Ouais, mais il faut que tu dises un truc. Ah ouais, ben vas-y, accouche. Ferme ta gueule, je te dis. Toi, ferme ta gueule. Vas-y, vide ton sac, là. Allez, vas-y, ferme ta gueule. Dis si t'as ta des gueule. Couilles, là. T'as des couilles, c'est des petites noisettes, gueule, non? Ta gueule, toi, mais ta gueule. Des olives. Ta gueule. Moi aussi, je peux te faire fermer je ta gueule. Je crois que nous sommes arrivés dans la quatrième dimension. Ah ouais, bien. On va essayer. Ta gueule. C'est qui, là, qui parle, là? Sa copine, ta gueule aussi! Quoi, ta gueule, c'est qui parle là? Bonjour madame, comment allez-vous? Eh ben, pas très bien là. Pourquoi? Vous êtes qui vous? Il s'est passé quoi? Je suis arrivé en cours de conversation. Quelqu'un vous a dit quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on m'a insulté, ouais. C'est ouais. Pas vrai. C'est mon neveu qui m'insulte là. Qu'est-ce qu'il a dit? Gratuitement, je sais pas pourquoi. Il a dit quoi? Il a dit que c'est une grosse vache, que j'ai des dans la toilette. Et c'est vrai? Et que mon fils... C'est un casse-os. Bref, je suis trop énervé là. Ouais, et vous êtes qui, vous? Vous avez les seins en gants de toilette, alors? Non, ils sont très certainement pas en gants de toilette. Bah, et puis même s'ils étaient en gants de toilette, c'est pas une raison pour m'insulter et me parler comme ça. Ils sont pas en gants de toilette. Non, ils sont pas en gants de toilette. De toute façon, je vais aller chez lui, je vais lui casser la bouche. Ouais, là. Vous avez raison. Et vous êtes avec lui? Oui, oui, bien sûr, oui. Mais vous êtes qui? Ta gueule! Toi, ta gueule, espèce d'enculé de connard de merde! Avec tes couilles là, c'est des olives! C'est des olives, t'entends? Tu vas me... Putain, je m'habille, j'arrive chez toi là, je vais tout dépenser. Pourquoi, madame? Pourquoi vous voulez venir? Oh, tu lui as dit de fermer sa gueule? Non, je lui ai pas dit, Madame? Allô? Toi, qu'est-ce qu'elle veut, l'autre poufiate là? Pourquoi c'est qui? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Pourquoi vous voulez venir? Pourquoi? Pour lui casser sa bouche? Pour ce manque de respect là. Ta gueule! Toi, toi, ta gueule! Ta gueule, petite bite là, avec tes couilles comme des noisettes là. Ah, elle tu gardes des ta femme, noisettes. Je sais pas comment elle reste avec toi, ta femme là. Oh là là, elle doit t'aimer beaucoup, je te le dis. Je te le dis. Faut pas vous énerver, hein. Non, mais bien sûr. Et si on vous disait, vous, t'as les couilles triangulaires, attendez, ton fils, c'est de la merde, hein. Attendez, il veut vous parler. Ta gueule toi, ta gueule, espèce d'enculé de merde. C'est chaque fois, ouais, c'est fantastique. Ça va me manquer, cette nuit. Et il rigole en plus, Vous savez que cette nuit, chez moi, dans mon lit, je risque de faire ta gueule. Toi, ta gueule. Espèce de connard, va. Toi, ta gueule, là, tu fais le malaise de loin, là. Viens, je vais venir chez toi. On va s'expliquer bien, là. Tu vas te prendre une bouffe, je vais te décoller la tête, là. Elle va rester encastrée dans le mur, ta tête. Tu m'entends? Toi, ta gueule. Elle se parle à elle-même. Hein. T'as pas de couilles. Caro. Pas de couilles. Hein? Caro. Oui. C'était très bien. Ah, bravo. C'était génial. C'était magique. Bravo. Ça fait partie de ces moments où ça marche tout seul. Où il suffit de dire ta gueule. Elle dit quoi, bravo? Attends, elle comprend pas. Pourquoi? Vous êtes qui? Je m'appelle Koé. Espèce d'enculé. Eh oui. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. The unknown. 22h sur Énergie. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Ces regards qu'on me lance, désormais je m'en fous. Et j'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens, aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Tu me tournes autour. Laisse-moi faire mes affaires. Je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air. Ouais, au fond, je m'en fous. Rien à faire. Tu as raison, oui, j'ai tort. Moi, je préfère me taire. Ouais, au fond, je m'en fous. Vous savez quoi, quoi ouais. Bah, je suis bien content d'avoir traversé tout Paris pour 8 minutes de David Guetta. Je me dis que ça vaut vraiment le coup. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un truc de ouf. Tu sais que plein de gens nous ont dit sur Twitter, content, sur les réseaux et tout ça. C'est ouf. Vous l'avez eu avant TF1. Ce qui est et génial, tout. C'est pas ça. Ce qui est génial, c'est d'avoir fait vivre en parallèle avec Snap et tout, tout le chemin c'était et tout le bordel. C'était très bien. C'était très bien. Voilà. Mais bon. On a un peu galéré, nous. On a un peu galéré, voilà. Bien. Non, il y a une très très belle vidéo. Pour ceux qui ont sur Facebook Live, je pense que David n'a pas fait attention sur Facebook que, ça tournait. Et tout le truc sur les reflux gastriques, où la discussion thèmes, qu'on avait, lui et moi, je pense qu'il n'a pas compris qu'il était en direct sur Facebook. Ah merde. Mais c'est, oui, bah voilà. Ouais, eh bah David Guetta est un homme comme les autres, bah qui a oui, des reflux gastriques. Il va péter pendant le live, oui. Voilà, c'est tout. Bon, mais dès qu'on a arrêté avez... avec toi, on a allumé TF1 pour voir et il était tout de suite à la... Il a enchaîné direct avec bon, TF1, quoi. Les amis, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on se fait? Moi, j'aimerais bien. Oui. Si ça vous dérange pas, dis-moi. Qu'on se fasse un petit sujet sur quelqu'un qui joue au jeu d'argent. Parce que ça, ça n'a jamais été fait. Bah, écoute, on l'a fait en 3-4 minutes. On c'était bien. Sorti, on a rigolé. Ça va, je vous charrie. Bon, on a bien géré. On vous a fait des belles images. On a filmé, on a fait des tas de trucs. On t'as a eu un assez peu... de batterie. Comment? T'as eu assez de batterie? Oui, non, j'ai eu assez de batterie. Eh, le ballon dédicacé d'ailleurs. Oh, c'est le vrai ballon. Bien. Et on va pas perdre celui-là, les gars. 8 minutes d'interview, mais un ballon. Quand même. On peut le revendre. Peut-être très cher. Julie, arrête tout de suite l'argent. Tout de suite le pognon. Tout de suite l'argent. Mais non, mais sur le bon bien coin. Bien sûr qu'on peut le vendre cher. Alors. Hop, bon coin, immédiatement. Ballon de David, David, vu sur Facebook dans l'émission de Koé et Bim. Franchement, faut tester. Julie, je déconne. Mais on donne l'argent à une association. On donne l'argent à une association. Bah quoi? Ah, on peut la donner à la Koé Foundation, ouais. Qui est l'association qui vient au bien-être de mes enfants. C'est bien ça. Voilà, bien. Voilà, ça m'évite de leur payer des vacances. Oh, je suis pas sûr qu'ils en aient besoin. Oh là là, Julie, ça bouffe. Bon, c'est beau les images parce que vous savez que le pire de tout ça, c'est que nous, on est allé faire un tour. On était à côté de la Seine, à 10 mètres. Mais vu. On n'a rien vu. Et pourtant, c'est blindé de monde. Ouais. Bon, alors là-dessus, vous rajoutez les grands angles, les caméras grandes. Temps, ce qui fait que ça multiplie par 4. Ah non, mais là, c'est ouais, mais non, mais là tu vois, comme le parc, il est grand, ah ouais, et c'est blindé cool. Du début à la fin. Ah, et vous avez vu le temps qu'il fait? Il fait un temps de police, ouais. Et oui, mais nous, on est enfermé dans ce studio, on voit pas. C'est toujours pareil, voilà. Nous, on est enfermé. Voilà. Et on sera dehors ce week-end quand il y aura un temps de merde. C'est toujours. C'est ça le pire. Oh là là, c'est ça qui est la vie. Demain, il y aura Soprano. Qui vont arriver dans les jours qui viennent. On peut quand même dire que dans quelques jours, on fera une émission avec Ritza à Walibi pour fêter le fait qu'on est numéro 1 en Belgique. Oui. Et on va faire une semaine avec que des stars. Oui. On peut dire qu'il y aura. On peut commencer à annoncer. Bon, on va faire revenir ceux qu'on avait bien aimés, les découvertes de cette année. Tu veux que je dise? Bah oui. Ok, il y aura Slimane. On va faire revenir Slimane. Ouais. On va faire Amir. Amir. Ouais. Bien. Forcément pour moi. Hein. C'est le même, fait son truc. Il y aura Tal. Ouais. Il y aura. Et il y aura d'autres surprises. Elise Moon qui sera parmi nous. Et il y aura des filles. Et il y aura d'autres filles. Il y aura des gros retours. Il y aura des filles. Ouais. Pour les fans, des little filles. Ah bah. J'ai rien dit, je n'ai pas dit plus. Oui. Voilà, et on aura plein de surprises. Qu'est-ce que je fais maintenant, Marina? Dans un instant, ouais. Marina, dans un instant, c'est à toi, ma chérie, d'accord? Okay, je suis déçu, j'ai même pas pu ramener une petite tour Eiffel en porte-clés. Mais il n'y avait pas, plus un vendeur ambulant. Il y avait tellement de CRS qu'il n'y avait plus un vendeur ambulant. Allez, bougez pas, dans un instant, Marina, on s'occupera de toi. Oh là, je comprends qu'elle n'est pas la pêche. Je viens de voir le sujet, on en parle juste après. Vous gagnez les plus gros concerts des plus grandes superstars en écoutant Énergie. Muse, Justin Bieber, Selena Gomez, Beyoncé, Luan, Pharrell Williams, Maître Gims à Carcassonne, Rihanna en Norvège. Dès que vous entendez le double hit Énergie avec Maître Gims et Rihanna à la suite, appelez Énergie 3937 et choisissez le concert de votre superstar Énergie préféré. Les plus gros concerts de l'été en France sont des concerts. Énergie. Hit Music Only. Unreal, votre série inédite, mardi à 20h55 sur Énergie 12. Ne manquez pas les derniers épisodes de la série. Queen et Rachel, les productrices de choc. Mais jusqu'où iront-elles? Je veux mettre en place le meilleur final qu'on ait jamais tourné. Leur ambition n'a pas de limite. Unreal, la série phénomène qui met la télé à nu. Mardi à 20h55 sur Énergie 12. Leclerc. Philippe, c'est quoi tous ces paquets d'emmental râpé dans le frigo? C'est de l'emmental râpé français extra fin entre mon lait de vache que je viens d'acheter en promo chez Leclerc. T'en as pris 3 paquets? Bah, 2 achetés, 1 offert. Ah d'accord. C'est parce qu'il y a mille et une façons de l'apprécier que du 1er 11 juin chez Leclerc, pour l'achat de 2 paquets d'emmental râpé français extra fin entre mon de 160 grammes chacun, 29% de matière grasse est transformé en France, le troisième est offert. Voir modalité dans les magasins participants. J'adore ça le fromage râpé. C'est bon dans tout! Pour votre santé, évitez de grignoter. Peux-tu me dire pourquoi tu as choisi la Freebox Révolution? Mais bien sûr que je peux te le dire. Pour son lecteur Blu-ray inclus et ses appels vers les mobiles. Ah oui. Plus d'infos sur Free.fr ou 1044. Merci Free. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes, du niveau brevet à Bac plus 5, dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Cette année encore, Énergie se mobilise pour la Journée mondiale des donneurs de sang le 14 juin. Mais donner son sang, vous pouvez aussi le faire toute l'année en une heure, partout en France. Donner son sang, c'est un geste simple et vital. Allez sur jedonnemonsang.net ou la page Facebook de l'Établissement français du sang. Alice est présente. Bonjour, Alice. Ah, Alice de l'autre côté du miroir. Retrouvez des personnages légendaires. Alice, tu es revenue. Chapelier ? Je vous connais. Pour une course contre le temps. Le temps est une personne. Il vaut mieux ne pas l'avoir pour ennemi. Ce n'est pas du tout rassurant. Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anna Tawai, Sacha Baron Cohen. Jeune fille, votre temps s'est écoulé. Alice de l'autre côté du miroir. Produit par Tim Burton. Accrochez-vous bien. Actuellement au cinéma. Avec Énergie. Énergie. time. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons with me if they need a pile of. Fuck niggas, hate real niggas, get money. All motherfuckin' that. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. We'll come home. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan lot of sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other man a gallus, I'm in stanza forever. Yo, Sopra, on va kiffer. Ok, donc quand je tape soprano, j'ai David Guetta. Il est partout, Guetta. Ouais. D'accord. Ah, attends, il prend sa place ce soir. Hein. Guetta. Okay. Guetta. Et quand je tape soprano, le pain, j'ai ça. Ah, mais c'est bien. Ça, c'est pour le jeu du public, en fait. D'accord. Ouais, c'est bon. Un bug, sûrement. Oh, mais non, oui. Mais c'est pas grave. Marina, ça va, ma chérie? Ça va et vous? Oh mais non, ça va pas, je sais que ça va pas, ça ne va pas, je vois bien que ça ne va pas. Elle est accro au jeu à gratter. Non, c'est des coquillages là. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, ma belle? Raconte-moi. Bah, je viens de me faire larguer comme une grosse merde. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'était peut-être mérité. C'est la vie. Salut Marina. Donc, non, je... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez ensemble depuis combien de temps? 15 ans. Ah ouais, 15 ans. Mais t'as quel âge? J'ai 15 ans. On s'est rencontrés très jeunes au lycée. Et du coup, ça me dit pas ton âge? Bah, t'as 30 d'années. Oui, voilà, 31. D'accord. Aïe, ah ouais. Ah non mais ah non mais aïe, aïe, aïe. Mais non mais qu'est-ce qu'on raconte? Mais c'est la vie qui s'ouvre à elle là, là ça fait 15 ans qu'elle est elle est en prison. Elle est en prison avec son mec et là elle va pouvoir s'éclater, elle a 30 ans. C'était ton premier mec? C'était mon premier grand amour, oui. Ah d'accord. Mais attends ma chérie, Pietre a raison. Voyons les deux côtés des choses. La première, c'est triste, mais s'il t'a quitté, c'est qu'il y avait une raison et que ça m'a... Il faut toujours se dire ça. On se quitte jamais en disant hey, je t'aime mon amour le matin à 9h et 18h finalement je te quitte. Non. On sent quand même des trucs, il y a des trucs qui merdouillent, on peut pas dire quand... Oui, il m'avait déjà trompé. Ah, c'est voilà. Un signe déjà. Enfin, bon, on va dire que déjà il y a un premier signal qui a été envoyé. Ah ouais. Et ok, oui. C'est triste, tout ce que tu veux. Maintenant, tu as 31 ans, t'en as pas 58. T'as 31 ans, oui. C'est ton premier mec, hey, ouvre-toi un petit peu. Je sais que c'est bien joli. Oui, je sais on que était avez... mariés, on avait un enfant. La veille avant qu'il parte, il me disait qu'il m'aimait, que j'étais la femme de sa vie. Et voilà. Ah, bon, là, c'est un peu gonflé. Mais les mecs font toujours ça. Vous êtes des salauds. Il paraît, oui, il paraît. Mais c'est pas ça, c'est que même les femmes, à un moment donné, les gens se disent pas la vérité. Tu dis pas des mois à l'avance. Attention, je t'aime de moins en moins, je vais me barrer. C'est assez rare, ça se dit, ouais, mais souvent. Tu dis pas, je t'aime jusqu'au bout et tu quittes du jour au lendemain. Tu l'as dit à l'instant. Je suis sûr qu'il l'a dit moins fort que d'habitude. Il le disait par habitude. Après, tu le dis par habitude. Quand ça fait 15 ans tu dis à la personne avec qui tu es, je t'aime. Même quand tu l'aimes moins, tu continues de dire je t'aime. Ah, c'est partie des habitudes. Oui, mais enfin bon, il y avait plein de projets qui étaient en place et du jour au lendemain, les projets, ils ont quitté. Alors, qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères que les projets se mettent en place avec un mec qui te trompe et qui t'aime plus ? Ou ? Non, bah, ou qui se barre. C'est la vraie question. Qu'est-ce que tu préfères ? À choisir. Non, mais après. S'il te dit, ok, je reste, mais je vais continuer de te tromper, puis je t'aime plus, mais les projets qu'on a prévus, on va les faire. Ah non, évidemment, bah non. Tu vas pas dire ça. Attendez, les amis, il y a plein de gens qui restent ensemble pour les enfants et qui peuvent plus se blairer, qui se trompent dans mais tous les sens, qui s'engueulent tous les soirs. C'était pas une question qu'on pouvait plus. On s'entendait très bien, on se parlait très bien. D'accord, on s'entendait très bien. Il est parti comme avec Benny. Qu'est-ce qu'il a prétexté ? Attends, il est parti avec qui ? Il est trompé. Bah, ça faisait un an qu'il me trompait. Ah oui. Une ninette de 20 ans. Évidemment, ma chérie. Qui s'entend bien avec toi, il en baise une autre. Enfin, excuse-moi. Non, mais pardon, c'est la vérité. Le mec, il va quand même pas se mettre mal à la maison alors qu'il est épanoui. Il arrive, il a tiré son coup. Il est qu'une petite nana. Toi, t'es la nana qui est à la maison et c'est bonjour, chérie. Au revoir, chérie. À bientôt, chérie. Oh, elle est belle, la petite. Au revoir. Non, mais voilà. Il faut que tu passes à autre chose maintenant. T'as 30 ans, t'es encore jeune. T'as le temps de retrouver encore le grand amour. Ça existe, hein. Ouais, mais c'est dur de se détacher parce que j'étais vraiment amoureuse malgré tout ce qu'il a pu ma belle, faire. Crois-moi, on est. Dans ce studio, à peu près tous passés par là. Ouais. Au moins une fois. Et je vais te dire un truc, voilà, ça fait mal, ça fait tout ce que tu veux, mais il y a un moment, si la personne avec qui tu es et celui qui vous parle l'a vécu, si celui qui tu es, avec qui tu es n'a plus envie d'être avec toi, qu'est-ce que tu veux y faire ? Tu peux pleurer, tu peux menacer, tu peux te jeter par la fenêtre. Tu peux. S'il a plus envie d'être avec toi, tu peux pas le forcer. Ah mais c'est triste. Oui, mais c'est triste. Mais maintenant c'est qu'on est éloigné, qu'il a sa vie, maintenant c'est pas qu'il revient, mais voilà, il y a des signes comme quoi. Non, parce alors que bon, ça, c'est dans ta tête les signes. C'est dans ta tête les signes. Parce qu'il t'a envoyé un petit smiley, un petit machin, tu te dis ah ça y est, il manque. Ça y est, je lui manque. Ouais. Le mec, il t'a envoyé un smiley comme il t'a dit, t'es la femme de ma vie. Il est encore avec la petite jeune ou pas ? Ah oui, ils vivent ensemble, alors qu'on est encore mariés, on n'est pas divorcés. Oui, enfin bon. Il vit avec elle. Ah, c'est chaud ça. Bon, c'est chaud, Julie. Ouais. C'est incroyable. Il vit avec elle alors qu'ils sont encore mariés. Enfin, les gens qui se barrent avec quelqu'un d'autre, les divorces, ils mettent 4 ans, 5 ans à se faire. Oui. Tu vas pas vivre 5 ans dans un monastère. Non, mais en plus, moi, je lui demande quand est-ce qu'on divorce. Voilà, je veux qu'il assume jusqu'au bout. Et, si dans un divorce, t'es pas d'accord, t'as des problèmes de blé, les problèmes de crédit sont pas réglés, les machins, les trucs, ça va prendre des années. Ça peut être très long. Ça marche très bien. Ça va vite quand les gens n'ont pas d'argent, n'ont pas de biens, vous êtes d'accord, vous séparer, la garde du petit, merci, au revoir, ça prend 6 mois, un an. Quand il y a des galères, des crédits, des machins, il y en a un qui a laissé la maison, il faut la vendre, etc. Ça prend le temps. Ça prend du temps. Et excuse-moi, tu veux quoi ? Le mec, il va pas vivre tout seul. S'il a une autre personne dans sa vie, il va vivre avec elle. Ouais, mais bon. Non, mais c'est dur à accepter, j'imagine. Je comprends, mais maintenant que chacun a sa vie, maintenant il est parti, il a laissé notre fille qui est encore très petite, elle a laissé comme ça. Sans... Parce qu'au niveau de la garde, vous êtes comment là ? Au niveau de la garde, c'est moi qui l'ai complètement parce qu'il est trop occupé à baiser la petite, à baiser sa pute. Je me suis tempérée dans les termes. Marina, je suis sûre que t'es au moins passée par cette phase, sa petite pute de 20 ans là. Évidemment. Hein. Mais vous savez, je pense que les filles qui sont trompées, ça vous fait du bien de dire cette pute. Ça n'est pas vulgaire. C'est une espèce de mot qui sort, ça qui fait du bien. Ça libère. Ça vous fait du bien de dire cette pute. C'est le pute libérateur. Elle les a eu avant moi, ces termes-là. Moi, j'ai toujours été respectueuse. J'ai jamais été. Mais quand elle a commencé à employer des termes un peu. Voilà, comme ça. Bah oui, parce que toi, de l'autre côté, t'étais sa pute. T'étais l'autre pute. Aujourd'hui, c'est moi qui le colle, c'est moi qui ne veux pas les laisser vivre leur vie, comme si que elle, c'était sa femme depuis 15 ans et moi, la maîtresse qui n'arrête pas de tout. C'est compliqué, les amis, mais pense à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand la personne avec qui tu vis ne veut plus être avec toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais là, ce qui est dur, c'est qu'il lui a fait un loose day. Il aurait pu la prévenir, lui dire ça va pas. Non, préviens. Dire attention, chérie, je vais te tromper pendant un an. J'avais des doutes. J'avais des doutes et j'étais tombée sur plein de choses qu'aurait pu le faire dire la chose, quoi. Mais non, jamais. Il a toujours trouvé des excuses plus grosses les unes que les autres pour cacher, comme si qu'en fait il était peut-être même pas sûr avec elle, donc tant qu'il était pas sûr avec elle, il me gardait tout le coude en fait. Et quand il a su que c'était bon, bah voilà, il a pu me larguer comme une merde. Et moi, c'est par rapport à moi, ça fait mal certes, mais moi je vois plus notre enfant qui subit les conséquences, que il a pas de soucis à s'attendre. Mais dis-toi qu'il a trouvé une meuf et une babysitter en même temps. Elle a le bon âge. Elle a quel âge, votre fille? Et puis il peut l'emmener à l'école en même temps que ta fille. Voilà, elle a 6 ans. Ouais, mais tu sais, je vais te dire un truc, les enfants, on a tendance à croire que, à se mettre à la place des enfants en disant oh là là, les pauvres enfants. Les enfants, ils s'y font très vite à des parents séparés. Les enfants, ce qui s'y font pas, c'est les parents qui se foutent sur la gueule, qui se battent, qui s'insultent et qui se frappent. Mais les parents séparés, les gamins, ils s'y font très très vite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, il y en a un d'un côté, un de l'autre, il y a double cadeau, il y a double machin, il y a double vacances. Double maison. Et ils s'y font vite. Il y a plein d'enfants de divorcés qui nous écoutent, c'est dur au début, puis après, voilà, la vie, elle reprend. Si tu regardes les stats aujourd'hui, de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a plus d'enfants divorcés que d'enfants de parents. Non, mais voilà, on va. Ensemble, Marina. Dans sa classe, non, ils sont que deux. Apparemment, je ne sais pas où vous vivez, mais. Vous habitez où? Clermont-Ferrand. Ah, c'est pour ça. Pourquoi? Allez, le cliché. Ça y est. Allez, le cliché sur Clermont-Ferrand. Ah, Julie, qu'est-ce que tu vas nous faire sur Clermont-Ferrand? Non, parce qu'on sait qu'à Paris, il y a un mariage, c'est ça, un mariage sur quatre. Deux mariages sur trois qui tiennent pas. Deux mariages sur trois qui tiennent pas. Donc, forcément, si tu prends une classe à Paris, je pense qu'il y a plus d'enfants divorcés qu'une classe à Clermont-Ferrand. Non, mais je pense qu'à Clermont-Ferrand, ça divorce grave aussi. Hein, mais oui, c'est, à mon avis, c'est une classe moins, à part. Je pense. Bon, en tout cas, ma belle, écoute. Je pense à cette phrase, je t'assure. Arrête les cette pute, les qu'est-ce qu'ils font, les il revient, les il a plus envie d'être avec toi, tu peux pas le forcer. Ça fait mal à se te dire une fois. Veut... Non, il y a pas des non, signes. Je arrête sais, j'essaie de prendre conscience de ça, mais bon, il a toujours ces petites phrases qui. Mais arrête, t'es encore amoureuse de lui, et lui plus du tout de toi. Arrête, mets-le toi dans la tête une fois pour toutes. Il connaît et du coup il en joue. Il en joue pour avoir je ne sais quoi ou machin. Donc oublie ça. Oublie. Et puis si c'est ton seul mec que t'as eu dans ta vie, franchement profite un peu, tu vas voir, ça va te faire du bien. Tu vas t'épanouir. Il faut que tu rencontres les zizi les plus chauds de Clermont-Ferrand. Non, mais vraiment. Les mots clés pour toi maintenant, c'est Tinder, adopte un mec et Badou. Voilà. Non, mais quand même pas. Et Vulcania. Va te promener à Vulcania voir les volcans d'Auvergne. Pas aller jusque là, mais en tout cas tu peux encore profiter. C'est pas terrible. Non, Vulcania, c'est pas Disneyland. Non, c'est mignon, mais bon, il passerait pas trois jours. J'ai jamais allé. Voilà. Bon, je te fais un gros bisou, ma belle. Je t'embrasse. Courage. Gros bisous à vous. Je t'embrasse fort. Merci d'être avec nous sur Énergie. Merci d'être là. J'espère que tout va bien. Est-ce qu'on aura un sujet sexe dans un instant? Est-ce qu'on aura une petite annonce dans un instant? Qu'est-ce qu'on aura? Petite annonce. Ah, c'est bien. Alors, celle-là, c'est la petite annonce la plus dégueu que j'ai vue de ma vie. Ouais. Faut qu'on s'en parle. À tout de suite. From walking home and talking lows, seeing shows in evening clothes with you. Nervous times and getting drunk, to staying up and waking up with you. And I was sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Thank you. this is all we're living for. Why are we doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny how reflections change. And we're becoming something else. I think it's time to walk away. Moi je suis sur D8 en ce moment là dans le full à poule. Il y en a qui matent et puis il y a ceux qui nous écoutent. Heureusement que vous êtes là. Voilà, parce que voilà, c'est bien, hein, c'est bien. Oui, mais il y a beaucoup de choses, hein. Il va y avoir beaucoup de choses de toute façon ces jours-ci avec l'euro et tout ça. On va kiffer, on va vous faire plein de trucs. Vous allez halluciner sur ce qui va arriver dans les jours qui viennent. C'est officiel donc, Kev Adams, demain. Oui. Demain, les amis. Oui, oui, oui. Demain, on est. Bah, attendez, c'est pas grave. Le matos, il marche pas. Il marche pas. Ça va pas non, non plus, mais il va falloir vraiment faire quelque chose. Mais hein, Julie, si ne m'engueule pas, je suis pour rien. Ce jeune homme, il est pour rien. C'est quoi ton prénom? Guillaume. Guillaume, faut que je te casse la gueule à la fin tout à l'heure. Faut voilà, que je parle. Pas de problème. Non, mais t'as qui? Il est pour rien. Jérémy, quand tu parles dans le micro, est-ce que tu peux appuyer sur le bon bouton? Parce que là, les gens ont entendu parler comme ça. Tu voulais un point sur la route, apparemment. Un point sur la route. Oui, parce que Jérémy, je vous explique ce qui se passe en live. Ça te fait chier. Je vous explique cette émission. De toute façon, cette émission, bordel pour bordel. Il faut, moi qui traverse tout Paris, faut que je vous explique tout. Jérémy, il est inquiet parce que le périph est fermé. Mais il me fait l'infotrafic dans les oreilles depuis pendant tout à l'heure. Pendant qu'on est en émission, il demande au mec en face: est-ce que tu peux faire un point sur la route, s'il te plaît? C'est-à-dire que ce que je raconte, il en a rien à voir. Mais rien à foutre. Ah, Nico Saliagas est donc arrivé. Salut Lou. Salut Lou. D'habitude, c'est moi qui présente les émissions, pas Alessandra Sublet. C'est moi la star. C'est moi qui fais toutes les stars. Mais c'était étonnant qu'elle soit toute seule. Ouais, effectivement, ouais. C'est bien. Bah oui, Nico, là c'est mieux. Il y a du renfort. Bon, allez, si on faisait une petite annonce, oui. Celle-là, elle est hallucinante. Je sais même pas comment ça peut se vendre. À vendre. Un slip hygiénique. C'est dégoûtant. À doubler avec une serviette hygiénique pour chien. Tour de ventre 34-42. Alors moi j'ai déjà eu un chien qui a eu ses règles. Un chien, pour lui mettre une serviette, il faut lui mettre une culotte. Ouais. Et vous êtes obligé de lui mettre un slip et dedans vous mettez la serviette. Ouais. C'est ridicule. C'est ridicule. Généralement le chien il l'arrache parce qu'il ne supporte pas, il la bouffe. Donc il n'y a pas de solution. Et là le mec dit: le slip est lavable, très bon état et a peu servi. Très peu taché. Le public, là. Écoutez bien la suite, parce que la personne dit: je mettais des protège-slips pour humains coupés en deux. Et j'étais naturellement, et plutôt que d'utiliser l'éponge fournie avec le slip, je pense que ça mérite un coup de fil. Mais comment ça s'achète ça? 10 euros. Oh là là, c'est cher. Et on lui demande, et évidemment, si la personne nous dit que c'est de la merde, on lui dit ah bah si c'est de la merde, on vous l'achète pas. Ah oh là là. Allez, on y va. C'est sûr que c'est pour faire un cadeau. Pourquoi pas, on bosse à TF1, on se tape dans la main. Allô? Allô? Oui, bonjour madame, je ne vous dérange pas. Non, non, allez-y, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir madame. J'appelle pour le slip hygiénique. Oui. Oui. Pourquoi vous? Il est bien là. Il est. C'est vous? C'est vous qui l'avez? Non. Non mais c'est pas madame, enfin. Ah oui, non. Mais quand je dis c'est vous qui l'avez, j'ai pas dit c'est vous qui le portez. Oh, désolé, c'est la fin de la journée. Oh là là là là là, on est fatigué. Il a fait chaud. Bah oui, je me doute bien. Non, je voulais savoir si c'est pas vous qui le portiez, mais vous qui l'avez encore. Voilà, il est bien ici, à Pagny-Château. Très bien, il a. Bon, alors, non, parce que moi c'est important, j'en cherche un, je n'arrive pas à en trouver. Ah ouais? Oh, les périodes de chaleur comme ça, c'est compliqué, hein. Oh, taisez-vous, ouais. Bah oui, mais, ouais. Ça en met partout. Oh, c'est... ouais. Hein? Ouais, bah oui. Et votre, elle ne l'arrache pas, le... Non, elle n'y touchait pas. C'était un bichon. Ah bon? Mais après, je l'ai fait opérer. Hein. C'est pour ça que je ne l'utilise plus. Hein. D'accord, parce que vous parliez au passé, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui est arrivé à la pauvre bête? Ouais, mais non, c'était drôlement bien. C'est vrai que, voilà. Sinon, ça en met partout, c'est horrible. Oh là là, ouais. Les femelles, ouais, c'est ça le problème. Oh là là, ça c'est un souci, hein. C'était un. Ouais. Moi, je savais pas comment faire à la maison. Hein. Bon, bah, je pense que je vais vous prendre. Il vous en reste une? Ah, j'en ai qu'un, oui. D'accord. Une culotte, quoi. J'en ai qu'une. Sûr, ouais. Très peu servi, hein. Un peu servi. Non, deux fois. D'accord. Même pas parce que. Ça revient souvent, c'est deux fois par an. Hein. Oh, ouais, quand même. Mais bon, c'est trop souvent pour moi. Et voilà. D'accord, bon bah moi je vais vous le prendre, hein. Je pense que je vais vous le prendre. Ouais, vous voulez venir quand alors? Bah écoutez, moi je peux ce week-end, hein. Ouais, d'accord. Moi c'est pour un pitbull, hein. C'est une femelle. Ah, un pitbull. Bah, ah oui. Bon? Pourquoi? Ah non, comme ça. Où est le problème? La taille, parce que moi. Oh, j'avais pas vu. Il est réglable. Bon. Ah ouais. Oui, ah, il y a plusieurs tailles, attention. Attendez, tiens, je suis en train de regarder là justement. Ça a mal, je suis con. Moi, je l'avais acheté chez un vétérinaire. C'est la taille. Oh là là, j'ai pas mes lunettes. Non, mais c'est un 34-42. Oh non, ça marche pas comme ça. Non. Tu peux me lire la taille, Armand, de la culotte? 2. Taille 2. 2, oh là là, bah non, moi ça rentrera jamais. Oh là là là là là là. Ah oui, tour devant 30 cm, 34-42. Ah oui, bah non, bah alors, attendez, moi c'est un pitbull. 50 kilos au garrot. Oh, là. Un pitbull. Ah ouais, non, bah non, puis c'est un mâle en plus, donc non, ah non. Un mâle qui a des chaleurs? Ah oui, c'est ça le problème. Vous rigolez? Non, non, pas du tout. Bah alors là, vous êtes d'accord, si je prends ça pour un mâle, là c'est de la merde. Hein? On est d'accord? Vous hein? êtes en train de me... Mais pas du tout. Non, je viens de m'en rendre compte. Qu'est-ce que je suis con? Bah non, mais ça, pour un pitbull, c'est un mâle en plus. Si je lui prends un protège-serviette, c'est de la merde. Ah bah là, vous y êtes plus, là. Hein. Donc c'est de la merde. Ah oui. Eh bah alors, si c'est de la merde, madame, on vous l'achète pas. À bientôt, gros bisous. Je vous embrasse. J'espère que tout va bien de votre côté. Voici Boosty. Vous avez vous? Vous allez bien? Ouais. Elle était marrante, cette dame. Elle était gentille. Allez, go, mon pote. N'oubliez pas, demain, il y a Soprano qui est là. Émission spéciale avant l'Euro. Bim! On ne sera plus jamais seul. On ne sera plus jamais seul. On ne sera plus jamais seul. On ne sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement. Je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool. Je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé. Je ramène des copines, coquines, mais je fais que teaser. Hein. Non, je veux pas être trentenaire. Je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. We don't like water. Je me balade dans la rue de ma ville. Je tape dans les canettes, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile.

Unreal, votre série inédite, mardi à 20h55 sur Énergie 12. Ne manquez pas les derniers épisodes de la série. Queen et Rachel, les productrices de choc. Mais jusqu'où iront-elles? Je veux mettre en place le meilleur final qu'on ait jamais tourné. Leur ambition n'a pas de limite. Unreal, la série phénomène qui met la télé à nu. Mardi à 20h55 sur Énergie 12. Sur notre Facebook Live, vous aurez tout ça aussi sur notre chaîne YouTube. De arrive la vidéo du toc toc toc avec Miss Kev Adams. En première partie, on vous la mettra demain. Et dans le week-end, il y a Zougoulou, le clip qui va arriver. Ritza, on va avec lui bientôt à Walibi en Belgique, ouais, pour fêter le fait que vous en êtes numéro 1 en Belgique. Merci les Belges. Merci. Ça me fait plaisir d'être numéro 1 dans un autre pays que le nôtre. Non mais c'est vrai, c'est un plaisir, c'est une fierté, j'adore. Ils étaient bons Madcon aussi tout à l'heure. Hein. Ah ouais. Ils ont mis de l'ambiance, on les aurait bien gardés plus longtemps. Ça va Kevin? Ouais, ça va vous? Ouais Kevin, tu nous as envoyé un mail, tu m'as dit que, bonjour, j'ai un problème. Ça va faire 3 mois que je suis avec ma copine et son ex habite toujours chez elle. Donc ouais, quand on veut faire l'amour, on doit aller à l'hôtel ou chez moi. Alors attends, c'est l'ex habite chez elle. Alex, il n'est pas parti de la baraque, quoi. Le squatter. Il n'est pas parti de l'appart, il ne doit pas avoir d'appart, visiblement. C'est glauque. Eh ben, je sais pas, mais j'ai surtout l'impression en fait, qu'elle me prend pour un con. Ah, il y a peut-être ah, ça aussi, ouais. Qu'elle se le tape bah, toujours. Attends, je comprends pas, moi. Je suis jamais resté avec mes ex chez moi. C'est complètement improbable. Et ça fait combien de temps que t'es avec elle? Bah là, ça fait que 3 mois pour l'instant. Ah, mm-hmm. Ah oui, c'est chaud, là. Et vous avez quel âge? Bah 20, 21. D'accord. Ouais. Et elle vit avec lui? Bah, elle est toujours pas avec lui. Moi, je peux pas aller chez elle. À chaque fois ah, que t'as je vais pas chez le elle, droit. T'es déjà allé chez elle ou pas? Ouais, mais à chaque fois que j'y vais, il y a son ex. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et elle dit quoi? Elle justifie comment? Bah, il a besoin que je l'héberge. Enfin, il faut vraiment de ma gueule, carrément. Non, mais quand elle te présente à son ex, elle dit quoi? Ah non, non, mais son ex sait que je suis son mec, hein. D'accord. Ah, d'accord. Okay. Ah, bah oui, non, mais il c'est le sait. C'est clair entre eux. C'est juste que l'autre, il veut pas bouger de la maison. Oui, voilà, ouais, c'est ça, en fait. Et ils dorment dans le même lit? Non, non, non, enfin. Je dors pas avec eux, je peux pas te dire, mais techniquement, non. T'en es sûr? Ça veut dire quoi, techniquement, non? Il dort où, lui? Bah, il y a le canapé, donc normalement, il dort sur le canapé, mais je suis normalement. Pas là, lui, donc, ouais, bah, ça peut se foutre de ma gueule, hein. On pense mais que oui. C'est quoi son intérêt à elle, enfin, de faire ça? Ou même à l'autre, il a pas de fierté, le mec? Et puis surtout de les présenter, ouais. Bah, je sais pas. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Mais le pire dans tout ça, c'est pas ça. C'est qu'on peut jamais baiser. On peut jamais baiser. Le gars, il arrive sur le sujet. Moi, je voudrais baiser. On peut jamais. Comment ça, vous pouvez? Et chez toi, t'as pas de chez toi? Non, mais si. Mais le problème, c'est que chez elle, vu qu'il y a son ex, je peux rien faire. Ouais. Et chez moi, je vis chez mes parents, donc. Non, mais attends, mon pote. Excuse-moi. Pardon. On va se dire un truc. Ouais. Moi, ouais, j'irai chez ma nana. Son ex serait là. Bon, je veux bien qu'il y ait un côté. J'ai du mal à trouver un appartement pendant quelques temps. Je veux bien l'entendre. Ouais. Ça fait combien de temps? Pas 3 mois. Bon, il y a un moment, faut qu'il dégage. Ouais, cet été, faut qu'il dégage. Ouais, bah j'aimerais bien. Bah, tu vas t'imposer un petit peu. Tu vas lui dire à ta nana, tu vas dire ton mec il dégage cet été. Et juste quand t'as envie de faire l'amour avec ta nana, tu lui dis maintenant mec tu vas au cinéma, tu sors faire un tour, mais tu nous laisses 2 heures. C'est dur quand même. Quoi, c'est dur? Bah, c'est l'ex en plus. Mais je vais te dire un truc, mais moi même pas, il reste dans la même pièce que moi si j'ai décidé de faire l'amour à ma nana, mais il sort tout de suite. Et s'il sort pas, je le sors. Si tu veux te faire une sextape, il peut filmer pendant ce temps. Ah, mais attends. Il la connaît déjà. Je crois, excuse-moi mon ami, je crois qu'il faudrait que tu appelles couille 30. Tu sais, où tu livres une petite paire de couilles que tu te mets, parce que je crois que t'as du mal un peu à t'imposer. Ouais mais je pense aussi qu'elle est encore amoureuse de lui en fait. Attends, c'est la part de qui à la base? D'elle ou de lui? De quoi, j'ai pas compris? C'est la part de qui à la base? Bah, c'est sûr, ma meuf. Ah, d'accord, ok. Ah oui, oui, mais c'est. L'avantage, c'est que si jamais, même si vous voulez faire des trucs tous les deux, dis-lui de rester, parce que lui, il la connaît bien, ce qu'il disait, et comme ça, il peut te dire non, alors là, je la connais bien, la prends pas comme ça. Ah, ouais, mais c'est plus fort, tu préfères comme ça, tu préfères comme ça. Tu peux pas dire ça. Non, je peux pas, mais bon, ça revient cher qu'on baise à l'hôtel, quoi. Mais t'es pas jaloux en plus? Mais bien sûr que si, mais j'ai envie de non le passer. Mais attends, il est tout sûr le temps là quand tu dis ouais, on va à l'hôtel et tout. Il a mais pas de vie, je sais pas. Il est il travaille loin, pas, il a pas de cours. Non, non, il a pas de vie ce gars. Il est tout le temps, je sais pas comment il fait. On dirait qu'il vit à la charge de ma meuf, quoi. Enfin, c'est. Ah, l'angoisse. Bah, il ça part jamais en week-end? Il a pas de thune, je sais pas, je comprends pas. Non, mais surtout, il a pas de face, quoi. Ouais. C'est-à-dire que sa meuf, elle ramène son nouveau mec chez elle et lui, il reste il là rien. Et il dit rien, il s'en fout. Et il reste. C'est ça, Pierre. C'est quand je vous dis que c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Peut-être qu'il s'en fout tout simplement. Ouais, tu veux qu'on l'appelle pour qu'on lui demande à lui? Pourquoi il reste là? Mais surtout, on va l'appeler pour lui dire maintenant tu t'en vas. Bah ouais. Dégage. Tu t'en vas, tu pars. Bah, c'est la honte un peu là si vous l'appelez. Non, la honte de quoi? Attends, t'as pas son numéro? Tu sais, nous savons être diplomates. Crois-moi, tu peux en parler à Mike Posner qui est venu il y a deux jours. Il s'en souvient. Nous savons faire passer les choses sans problème. Tu devrais le faire. Laisse-moi faire. Et calmement aussi. Et calmement. Et confiance. Bah t'as forcément le numéro parce que t'as le numéro de ta copine, donc il doit être là, il doit être avec elle. Ah ouais, techniquement. Bah vas-y, viens, on tente. Déjà techniquement, mais ça ne t'intéresse pas de savoir ce qu'ils sont en train de faire là à cette heure précise? Non, mais il se passe rien. De toute façon, ma meuf, elle est pas dans l'appart, là. Elle est où? Mais elle est partie en vacances, donc je pense pas qu'il va. Enfin, qu'ils soient ensemble. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il essaie de se rassurer. Mais t'as le numéro de l'appart ou pas? T'as le numéro du gars? Y a pas de fixe. Ouais, j'ai le fixe, mais ça répond, c'est la peine. Enfin, il répondra jamais sur le fixe. Pourquoi? Et si on appelle le fixe et qu'elle. T'es sûr qu'elle est en vacances? Elle est où? Elle est partie dans le sud. En fin, on appelle. On peut appeler juste pour savoir. T'es sûr qu'il est pas parti avec elle dans le sud? Non, je suis sûr. Il est pas parti. Ça, c'est pas possible. Je viens de voir sur Facebook, ils sont tous les deux là. Non, il est pas bien. Venez, on tente le fixe. Tu veux pas qu'on tente le fixe? Bérénice, prends le numéro. Allez, on finit sur en beauté. Allez, on va faire le fixe. Ça décroche pas, tant pis, au moins, voilà. Mais si ça décroche, au moins, on verra qui est à l'appart. Non, mais je pense qu'il c'est pas possible, il va jamais répondre, je vous jure. Enfin, ça me paraît bizarre. Et imagine, c'est elle qui répond. Ouais. Elle est pas partie dans le sud. Ça voudrait tout dire. Attendez, je la localise, je suis pas taré. Hein. Sur mes amis, c'est mort. Hein. De quoi? Bah, j'ai l'appli mes amis, je sais où elle est. Hein. Ah, localisation. Ça, c'est une appli psychopathe. Ouais. Ah, bah oui, non, mais je suis à n'importe quelle seconde de la nuit, du jour où elle est. Hein. Ah, donc là, tu peux vérifier qu'elle est dans le sud. Et est-ce que tu vois surtout elle? C'est pas grave, mais est-ce que tu sais surtout lui où il est? Parce que ça sert bien de localiser s'ils sont côte à côte. Mais comment ça marche? T'es en vacances dans le sud. C'est un truc, tu localises tes potes et tu vois où ils sont placés. Mais il faut qu'eux ils autorisent l'appli. Tu peux pas se parler. D'accord, faut que ce soit autorisé. Je connais pas ça. C'est bon, bien, on ça. A le numéro ou pas? Tu connais pas ça, c'est surtout les iPhones. Hein. Ouais. Donne le numéro, Kevin. Je suis pas sûr que ce soit très. Kevin, faut qu'il donne le numéro. Voilà, moi j'ai envie de régler le problème. Tu pourras me donner des cours sur le truc après là. De quoi? Pour localiser. Regarde-le, le Sicilien. Excusez-moi, je peux juste me renseigner. Oui, bien sûr. Je peux m'instruire. Mais il faut qu'elle accepte. M'instruire. Ça se fait pas, mec. Non, mais c'était juste pour me renseigner. Ouais, bien sûr, c'est pour me renseigner. Elle va la fliquer. C'est pas mon genre. D'accord, je te donnerai. Merci. Bon, alors, Bérénice, on l'a? J'ai un fixe. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Comme ça, on n'est jamais mieux. Moi, je pense qu'on va lui dire très élégamment, jeune homme, il va falloir partir. S'il décroche, s'il est là. Oui. Ça se trouve, il est en vacances. Hein. Si, il décroche, on le fera plus avec tard. Elle. C'est les vacances dans le sud, ça pue. Ouais. Kevin? Allez. Ouais. On y va, mec. T'as pas son Facebook à lui? Oh, pour vérifier, oui. Ah, vous êtes des fouines, là. Mais ouais, mais on cherche, fouines, on veut t'aider, on veut t'aider. Allez, on y va. Ça sonne. C'est énorme. Comment il s'appelle? Martin. T'as un ex qui s'appelle Martin. Ah merde, je croyais que j'ai cru aussi. Quoi? Je croyais qu'il avait décroché. Ouais. Pour essayer deux fois de suite. Bah non, là, il n'y a pas de répondeur. Non, ça ne décroche pas. On a essayé. Et il est sûrement en vacances dans le sud. Hein. Avec elle? Avec elle? Bizarre qu'il ne décroche pas, non? Allez, tu le traces pas, lui. Si tu dis qu'il fait rien de ses journées et qu'il travaille pas. Il va pas détruire. Bienvenue sur la boîte vocale. Ouais, bah c'est mort. Mais c'est logique, mais c'est obligé qu'il répond quand on fixe personne. Pourquoi? À quoi ça sert d'avoir un fixe si pas décrocher? Chez moi, je réponds jamais. Et bah alors, t'as son téléphone portable? Bah non, mais lui, vous imaginez, j'allais le voir, tu peux me donner ton numéro, mais j'ai que déjà le fixe. Oh bien, là moi, j'ai pas son portable, c'est pas possible. Bon, on a essayé de t'aider, Kevin, mais je pense qu'à un moment donné, faut que t'arrêtes ça, ouais, c'est pas normal de dormir chez l'ex. Je vais l'envoyer bouler en fait, porte je vais tes couilles. Je vais dire pareil. Ouais. Bisous, mon gars. Dire, c'est moi ou lui. Putain, je t'embrasse. Ouais, tu sais quoi? Ne le dis pas comme ça, parce que si tu dis c'est moi ou lui, ça marche pas. Imposteur, mec. Non, mais voilà quoi. Avec une voix de bonhomme. Dis donc, excuse-moi, c'est moi ou c'est lui maintenant? Vas-y, refais-le. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Bon, écoute, c'est moi ou c'est lui? Tu me barres sinon. C'est mieux. De toute façon, tu peux te barrer. Mais lui, laisse pas le choix en fait. Non, il faut pas. Gros bisous, mon pote, bonne soirée. Tiens-nous au courant. Bisous. Ouais, bisous. Demain, il sera notre invité sans problème. Passez une belle soirée, amusez-vous bien. Kiffez la vie, on vous laisse avec Guillaume. Bisous le public, rendez-vous demain. Soyez sages, mettez des capotes. Bisous, au revoir Julien, au revoir Pierre, au revoir Guéguette, au revoir l'équipe. Oui. Bisous tout le monde, allez mettre nos vidéos. Ciao, au revoir. Coé revient demain dès 19h sur Énergie. Avant, à la radio, vous aviez l'habitude de vous ennuyer. Eh ben, on est désolé de casser votre routine. Parce qu'ici, on fait tout le temps n'importe quoi. Tous les soirs, de 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 en direct sur Énergie. Allez, il est 20h02, on y va. 22h02, le mec est pour direct. C'est, si, on est vraiment en direct. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Allez, et je suis bien content d'être à l'antenne sur Énergie. Si vous voulez venir, vraiment, vous êtes les bienvenus. Vous êtes à la maison ici, hein, les gars. 22h, on prend l'antenne. J'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être vu le show en ce moment de l'Euro, de l'ouverture de l'Euro. Ici, en France. Avec Alexandra Sublet, voilà. On est vraiment en direct, hein, c'est pour vous prouver. On est vraiment là. Si vous voulez venir avec nous, en tout cas, vous êtes chez vous ici, là. Guillaume et votre message au 612 pour passer avec nous sur le standard. C'est pareil, 0800 70 42 48. Et Guillaume, au début des SMS, au 612. Dédicace au chauffeur JLF et au Dom Dom qui est sur la route en train de t'écouter. Salut Dom Dom. Depuis une semaine, j'ai l'impression que vous ne lisez pas les messages. Je n'ai pas entendu mon message. Salut Nadège de Toulon. Bah, si, ma chérie, regarde. Les meilleurs sont de retour. Bisous à l'équipe Marine du 33. Et ben bonsoir les gars. Appelle-moi Guillaume. Alors il faut me laisser votre numéro si vous voulez que je vous appelle. Guillaume et votre numéro de téléphone au 612. Je vous attendais avec impatience, déçu du show. Salut les gars. Attends, on va t'appeler avec plaisir. C'était bienvenu si vous voulez venir. Au chauffeur JLF, à Vagin, à Mina du Standard, à Flo des Crados, j'ai hâte. Salut Issa Chissu. Comme tous les jeudis, on ne fera pas Isa Jésus ce soir. D'habitude, le jeu du jeudi, je me fais passer pour un voyant qui s'appelle Isa Jésus avec un marabout qui s'appelle Boubou, le marabout en boubou de Boulogne-Billancourt. Et ce soir, on le fera pas puisque à 22h50, c'est l'émission la plus courte puisqu'à 22h50, on devra laisser la place à TF1 en direct pour rediffuser le concert de David Guetta. Donc voilà, on sera pas en direct toute la soirée parce que après le concert, on ne sait pas quand il se termine, donc on est obligé de mettre une sorte de best-of après le concert pour les quelques dernières minutes de l'émission. On se remettra le sur-streaming quand on avait ouvert une boîte de conserve qui puait la mort. On mettra à la fois, on a été attaqué par un lion. Je vous ai mis la vidéo tout à l'heure sur YouTube là, quand lundi on avait soi-disant fait rentrer un lion dans le studio. On vous a fait un piège, on a fait croire qu'on se faisait manger par un lion, etc. On sera le nouveau Soprano. Non, le job s'habille plus en pada. Monsieur, voilà, on se le fera, le nouveau Sopra. Ça va, j'ai un stagiaire. Ouais, ça va très bien, Guillaume. Salut tout le monde. Okay. Toute l'équipe qui s'installe en direct, qui a passé une bonne journée. Ouais, je vais lécher le coiffeur. Ah, voilà, petite fraîcheur des cheveux. Alors, on dirait un peu des poils de bête. J'ai un stagiaire. Oh là là. Salut Guillaume. Attends, enlève ton casque. Attends, montre-lui. C'est regarde. La même coiffeuse tous les. On dirait un peu des. Non. Regarde, sur les côtés, ça fait un peu poil de nimo. Elle m'a mis une nouvelle cire. C'est fou. Je sais pas ce qu'il y a. Elle a fait un truc. C'est la même coiffeuse. On dirait une sorte de velours sur la tête. On dirait une sorte de petite moquette. Non, mais c'est pas grave. Je vais mettre un bonnet. Ça y est. C'est la même. Mais c'est pas le même cheveu. C'est le conducteur du tram de Montpellier, Gabriel. Bah bonsoir Gabriel. Et dans une semaine tout pile, il y aura Jul, le rappeur. Vous me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. Ces graines arrivent au hasard, donc pourquoi aller. Salut, c'est parti pour une bonne soirée. Bonsoir Alicia, gros bisous ici la France. Bah, salut, allez les bleus, bien sûr. À demain soir. Encore bravo pour la blague avec le lion, vous êtes les meilleurs. Bonsoir Clem. Passez une dédicace au transport Rosette et à Pierre Yves de la part du touriste. Bisous. Salut aux routiers bretons et à tous les routiers. Vous allez parler de cul ce soir ou pas, Luna du 90. Je vais voir, on a jusqu'à 22h50 pour en parler là. Merci, je viens de recevoir l'autocollant de l'émission, vous êtes géniaux. Merci, t'es du Clermont-Ferrand. Et une dédicace à vous tous. Hein. Salut à Gugus la Carotte, Thomas, Jasmin et à mon papa, salut Fallon. Bonsoir à vous tous, merci de me tenir compagnie pendant mes 3 heures de route de la soirée. Moi je vous écoute en rentrant de Montpellier. Et ben profitons, on a que 50 minutes ensemble. Et il y a Kenji qui chante là. Le concert de TF1. Ah il est fort, hein. Il y a du monde là. Le compa Kenji qui est déjà venu dans l'émission là. Énorme la taille du concert. Ah il doit kiffer hein. Oh là là. Troisième sign de Roger Vercel. Bonsoir à Mino Dissonard. Ah ouais, ça va Flo des cadeaux. Ouais, ça va. Salut Guillaume. Oh, la famille. Allez, on se fera Soprano de Diables habillés en Prada. On se fera tout à l'heure. Salut, tu pourrais faire une dédicace au 3ème 5 de STJO. Ah, c'est pas de problème. Salut, demain c'est mon anniversaire. Et bah, profite bien de la veille de ton anniversaire, poteau. Ouais, bonne soirée. Et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui en mode 9 juin. Les Gémeaux. Et bah, une petite dédicace et un bon anif à tout le monde. Juste le temps d'allumer le standard. Et puis il y a Julien qui est là du Plessis Bouchard. Bonsoir, Julien. C'est qui le papa? Il y a qui? Vous allez bien? Yeah. Salut. Salut. Ça va ou quoi? Salut. Enchanté, Julien qui est là. Ça va ou quoi? Tranquille? Oh bah ça va, tranquille. Hein, ah. Tranquille. Eh ben vas-y, enchanté mon Julien. T'appelles du... J'aurais peut-être pas dû crier là. Faut que j'économise ma voix, ouais, j'ai un peu hurlé là. Quel con quoi. Bon ça va ou quoi? Tranquille Julien, 14 ans, du 95 en Val d'Oise. Ouais, près de Paris. Tranquille, tranquille. Eh ben ça fait plaisir, écoute, sois le bienvenu gros. Hein. Déjà passé à la radio ou jamais toi avec nous là? Non, dépucelage. Ah dépucelage, oh, c'est bon ça, très bien, dépucelage radiophonique. Ça fait plaisir. Ah, y a, sur... Attends, sur TF1. Soirée continue ici. Comment il s'appelle déjà elle? Alexandre Sublet. Alessandra Sublet, elle est jolie, Alessandra Sublet. Ouais, et ben, elle est dans le public. Et ben, si à un moment donné vous vous retrouvez comme ça dans une émission de télé à côté d'un animateur, vous criez c'est qui le papa? Ouais, ouais. Après, et moi je le découperai, je le passerai à la radio. Mais non, c'est gentil. Au lieu de dire allez les bleus, tu y allais c'est qui le papa machin. Aïe. Et c'est notre cri à nous. C'est qui le papa? Et je passerai à l'antenne avec plaisir. On vous offrira des cadeaux si vous arrivez à passer à la télé. Hein. Salut à tous les meilleurs. Vous nous vibrez les mecs. Salut à tout le monde. Tu pourrais me donner le nom de l'application? Ah oui, on va en parler de l'application d'hier. Ouais. Salut Victor. Je vais me faire un jeu avec dimanche soir. On a trouvé une nouvelle application qui déchire. Salut aux éleveurs. J'espère que vous allez refaire une petite séance de voyance. Oui, on fait. Ça s'appelle de l'astrologie qu'on fait, nous. Ouais. D'ailleurs, il faudrait qu'on invite un voyant. Ouais, si tu veux. Ah, oui. Est-ce que tu peux le noter, s'il avec te plaît? Avec plaisir. Et je vais inviter une voyante la semaine prochaine. Ouais, oula. Attends, juste pour voir si elle sort des trucs un peu. Pour l'avenir, genre. Un peu crédible ou. Voilà. Moi, j'y crois pas du tout. Hein. Je vais pas faire genre. Ouais. J'y n'y crois pas une seconde, mais c'est bon, c'est marrant d'aller voir si c'est. Voilà. Dédicace à Alicia et à Naoufel, à tous les routiers en direction d'Italie. Salut Cédric du 85. Salut. J'espère que vous revenez après le live de Guetta. Bah non, parce qu'on sait pas exactement à quelle heure c'est terminé. Made in Marseille. C'est toujours possible pour les autocollants Armando du 53, mais bien sûr, c'est toujours possible. Salut mec. Dommage que vous ne soyez pas là plus longtemps ce soir. Je vous kiffe. Bonsoir Lilou du 95. Salut les potos là. Salut. Bonsoir Jules, je t'aime. Merci, je viens de me faire flasher en vous écrivant. Ah merde. Ah, prends une photo. Putain, je vous écoute de New York. Bonne soirée à vous. Pour moi, c'est le goûter. Il est 16h. Salut Alexander. Salut. Ah ouais. Eh ben salut à toi. Aujourd'hui bon c'est l'anniv à Marie-Lou d'Alsace. Bon anniversaire Marie-Lou d'Alsace. Au petit croustillon et les fruits sont mûrs, il y a pas de problème. C'est quoi, c'est des messages ou quoi? On dirait général de Gaulle qui passe un message à la résistance quoi. Je classe gars, je m'entraîne à frapper comme ça gâte. Rico rico, je débarque. Fais gaffe, faut c'est pas ratatata. Je connais le million mais chante toujours pas la la la la. Entre nous programmé et même pas font semblant, c'est chelou. Je suis armé. Allez, bonne soirée les gars. À 22h30, on va appeler on a un animateur d'énergie qui chauffe le public. Toute la soirée là, c'est ça. On va l'appeler pour qu'il nous fasse écouter un peu comment ça se passe. Ah bah ouais. Le concert à la Tour Eiffel. Je suis dégoûté que vous ne soyez pas là l'émission entière. On s'en fout de l'ouverture de l'Euro. Salut Norman. Bisous, salut. Ah, je sais bien, mais on n'a pas le choix, gros. Eh, mais ça va être bien aussi. Il y aura le concert de Guetta, etc. Il y a du monde en plus. Et vous êtes très très nombreux à aller voir la vidéo. Hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez Un Lion attaque Guillaume Play en direct sur Énergie. Vous allez voir. C'est assez impressionnant. Hein. Vous êtes très très nombreux. Tu l'as vu la vidéo, Flo des cadeaux? Ouais, je l'ai regardé tout à l'heure. Elle est pas mal. Hein, ouais, c'est marrant. On va refaire des podcasts refasse, comme ouais. Ça. Vraiment, on va s'en refaire dimanche ou lundi. Là, on va s'en refaire. Bon, et puis mon Julien qui est là du Plessis Bouchard du 95. Alors ouais. Toi, il t'est arrivé une galère. T'as sauvé un pote, c'est ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, c'est exactement ça. Juste avant, je peux te sniffer? Mais oui, bien sûr, mais avec plaisir, ça fait très longtemps. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Bah ouais. Putain, mais c'est clair. Attends, tu veux bien juste expliquer le sujet, comme ça, le temps qu'il y ait des appels, parce qu'après, Amina du Standard, elle va se retrouver dans la galère. C'est ça. Elle va devoir appeler les mecs hyper vite, elle va se mettre à transpirer, elle va puer. Ouais, et après, ça va être la merde. Ouais, ah ouais, ouais. Alors, elle va devenir hystérique comme quand elle était face au Lion. C'est ça. Exactement. Voilà. Alors, dis-nous juste pourquoi t'appelles et après, tu me sens. Vas-y. Non. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Il a bugué. Non, j'ai bugué. Voilà. Quel est le problème, mon Julien? Tu m'as l'air bizarre ou tu es concentré sur autre chose, Julien? Non, c'est surtout que j'ai la boule au ventre, en fait. C'est vrai, ça. Mais pourquoi? Bah, il faut pas. Bah, attends, on est entre nous, regarde. Non. On est à la cool, attends. Ouais. Vous avez fait un truc qui est pas très malin avec un pote, tu vas nous raconter. Ouais. Et bon, donc, en gros, on était censé partir faire du vélo avec un pote. Et du coup, il fallait traverser par une voie ferrée. Ouais. Mais c'est pas les voies ferrées avec les barrières, tu vois, les voies ferrées juste piétonnes. Ouais. Et ben, genre, du coup, il n'y avait pas de train, du coup, on a commencé à passer. Et en fait, on a laissé nos vélos planqués et on a commencé à se taper des barres sur la voie, on sait pas pourquoi. Et d'un coup, je ne savais pas pourquoi, mon pote il m'a dit, vas-y, remonte jusqu'à la prochaine gare. Ouais. Du coup, on a commencé à marcher un petit peu. Vous avez marché sur la voie ferrée des trains, quoi. Ah merde. Oui, voilà. Bah, c'est très bête parce que le train qui arrive de derrière, tu l'entends pas arriver avec le son. Bah, dangereux aussi. Bah oui. Ouais. Bah oui. Quand on est 14 ans, on est très con, je suis désolé. Non, non, non, non. Non, toi, peut-être. Non, non, il n'y a pas d'âge. Il y en a qui ont 30 qui sont pire que toi. Il y en a qui ont 10 qui sont moins, ça veut rien dire. Parfois je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je brave et j'en bave. Toute l'année ça brave. Salut, la vidéo est énorme, salut mon Jimmy là. Salut, merci. Ouais, le 95 en force, bis de Taverny, salut à toi gros. Alors donc Julien, donc en gros, toi tu l'as pas entendu le train arriver? Si, c'est lui qui l'a pas entendu parce qu'il avait des écouteurs. Oula, du coup, alors, non, ah, bah, ça. Ah t'accumules là, mais les yeux bandés c'est aussi. Une ah mais c'est tu cherches. Ah, je suis désolé. Voilà, donc en gros, donc lui il a pas entendu, moi j'ai entendu. Du coup, je me retourne, je le vois lancer quasiment à pleine vitesse à 50 ou 100 mètres de mon pote, pas plus, tu vois. Ouais. Du coup, en gros, je sais pas, je me suis pris pour Iron Man d'un coup, j'ai foncé, je l'ai tiré en arrière. Ouais. Du coup, tu sais les cailloux qui sont en dessous des voies là. Ouais, les petits cailloux, ouais. Ouais, voilà, bah, on a dévalé ça sur un mètre cinquante, un truc comme ça. Ça m'a l'air un peu fake ton histoire, mon Julien. Ça m'a l'air un peu fake, mais c'est vrai. Non, mais. Ouais, il y a une petite histoire ouais. Là, je sais pas, j'ai l'impression. Ah, là, de... Non, ouais. C'est. Je sais pas. Je sais pas, j'ai un petit doute comme ça, mais enfin, peut-être que c'est vrai. Hein. Bah oui. Et en gros, t'as tiré ton pote et donc tu l'as sauvé, en gros. Ouais. Bon. En gros, je l'ai sauvé, voilà. Bon, est-ce que vous êtes déjà mis en danger un peu comme Julien, qui appelle du Plessis Bouchard? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver comme ça, pareil, de vous mettre en danger de manière inutile? Alors, voilà, vous n'étiez pas obligé et vous avez décidé d'aller marcher sur les voies ferrées. Ah, ça, c'est est-ce de que la merde. Ça vous est arrivé de faire, voilà, avec des potes, de monter en haut d'une grue et de marcher en haut de la grue, le plus loin possible et de vous tenir par les mains? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de marcher sur les barres, en haut de votre toit, j'en sais rien, sur la limite, en haut de votre HLM, de marcher sur la limite en haut, là, tu sais, c'est des blocs carrés. Ça sent la merde. Est-ce que vous avez déjà ça. Marché sur votre balcon et vous avez un pote qui vous tenait par la main? T'imagines. Est-ce que vous êtes déjà suspendu à votre balcon par la. Non. Par là-bas. Sur une route ou je sais pas. Il y en a qui le font sur YouTube, il y a des vidéos de débiles ouais, comme ça. Là. En Russie ils font ça. Est-ce que vous êtes déjà mis en. Ah non mais c'est clair, en Russie ils font ça. Y a ils des... sautent d'un étage sur la neige. Ah, franchement il y a des histoires. Ah ouais. Non mais j'ai vu des histoires. Ah, franchement sur Internet, sur YouTube tu vois des débiles les mecs. Je laissais pas seul parce que je vais trop grand.